puis bon courage également pour toute bonne forêt. Peut-être qu'ils écoutent à nous également ce matin. Ils étaient reçus par Claude Montanet dans une émission Allo Première récemment. Hein. Ah bah oui, c'est bon de marmaille. Ils appellent les Dizzy Brains, un groupe malgache. Ils jouent le rock, franchement, les dangereux. Et c'est sur Réunion Première. Belle matinée à toutes et à tous. Ah les gars, bon aussi. Écoute ça, écoute. Dizzy Brains sur Réunion Première, et il a eu la chance de les recevoir ici dans nos studios de Réunion Première. C'est Claude Montanet. Alors entre 9h, nous parlerons avec, vous poserez toutes vos questions aux expertes de la caisse d'allocation familiale, entre autres Liliane Posé ou encore Odile Damour, au 02 62 99 2000. Avant cela, Claude, bonjour. Bonjour Jacques, et bonjour à tous. On va parler de cette aventure humaine unique, incroyable presque. C'est un défi incroyable lorsque les valides se donnent la main pour porter des personnes à mobilité réduite pour un tour de l'île. Donc le défi est incroyable, une aventure humaine. Ce sera du 10 au 17 juillet. On en parle sur la première juste après le journal. Les Gaillards et le journal qui arrive dans 2 minutes. Il sera présenté par Cécile Thomas. Votre trajet en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. L'information routière sur Réunion Première avec Yves Gruyer. Est-ce que vous êtes arrivé au niveau de Basse-Vallée, Yves? Oui, je suis pas très très loin. Je suis dans le village entre le Baril et Basse-Vallée. Déjà une nouvelle importante, une voie de circulation a été dégagée. Ça veut dire que les automobilistes peuvent passer au compte-goutte. Alors c'est sous surveillance, c'est parce qu'il y a les cordistes qui sont encore dessus et ils ne font pas tomber les falaises. Donc on a bougé les blocs rocheux pour faire passer au moins les voitures. Donc ça c'est la grande nouvelle actuellement, ce qui peut soulager une grande partie du dispositif qui était prévu initialement, donc avec un pont aérien, vous savez, donc pour les ramener, acheminer les candidats au bac. Donc la circulation peut se faire au compte-goutte. Alors je suis pas très loin, on va aller voir ce qui se passe dans quelques instants. Le reste du réseau, en attendant, donc ici sur cette façade entre un ciel bleu, ciel gris et quelques gouttes de pluie, la circulation se fait sans changement en provenance de l'Est. Un peu de ralentissement virage de la Jamaïque, hein, ça se passe pas trop mal. Si vous arrivez de Sainte-Marie, les ralentissements à l'entrée ouest, attention avec la voie de droite qui est toujours neutralisée sur le virage du gouffre pour enlever ce véhicule qui était à dépanner. Donc il y a un bouchon qui se situe juste après la grande chaloupe, hein, au niveau de Ravine à Jacques. Alors dans un premier temps jusqu'au virage du gouffre, après ça se libère et vous êtes coincé ensuite à hauteur du tunnel du Cap Bernard. Là, ça, c'est pour l'entrée ouest de Saint-Denis. Pas de changement. Donc là, c'est toujours plateau caillou pour la fin de la route des Tamarins. Donc des nouvelles, sans doute, dans le journal avec Cécile concernant les rampes de Basse-Vallée. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Il fera beau et chaud en ce mercredi 22 juin, entre 14 et 16 degrés au volcan. Du soleil, il y en aura quasiment sur tout le département. Il est 8h sur la première. Le journal Cécile Thomas, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Ils se souviendront de cette dernière journée d'épreuve écrite du bac. Les candidats de Saint-Philippe ont à leur disposition un hélicoptère ce matin pour rejoindre leur centre d'examen. La route de Basse-Vallée est coupée depuis cette nuit à cause d'un énorme éboulis. Nous entendrons le maire de Saint-Philippe qui a organisé ses convois ce matin, même si on recircule sur une voie. Une nouvelle affaire de violence devant les assises aujourd'hui. Un homme est accusé d'avoir violemment attaqué son ex-conjoint à Saint-Joseph. C'était en août 2014. Peut-être bientôt un vaccin contre le virus du Zika. Les tests sur l'homme pourrait débuter prochainement. Nous ferons le point. Et puis Dimitri Payet en forme, on le sait, le niveau international qu'il a dorénavant, eh bien c'est grâce à West Ham, nous l'entendrons. Réunion première, Cécile Thomas. La route de Basse-Vallée à Saint-Philippe coupée suite à un gros éboulis survenu hier soir. Un pan entier de la falaise s'est détaché. Depuis le lever du jour, les engins sont à l'œuvre pour dégager le passage. Mais il fallait trouver une solution plus rapide pour les jeunes qui passent le bac. Certains se retrouvaient coincés ce matin. Impossible pour eux de rejoindre leur centre d'examen. Pour régler le problème au plus vite, la mairie s'est accordée avec une compagnie d'hélicoptères. Une liaison par les airs est mise en place depuis 7h et jusqu'à 8h30. C'est ce que nous a annoncé Olivier Rivière. Hier, le maire de Saint-Philippe, il était en direct dans notre édition de 7h. Nous avons choisi de mettre en place des convois aériens, donc je demande aux élèves concernés de bien vouloir se rendre sur le site du Cap Méchant, où est prévu ces convois entre 7h et 8h30, de manière à ce qu'ils puissent être acheminés sur le centre d'examen et passer en toute quiétude leurs examens. Est-ce que les travaux ont démarré du côté Absolument. De Basse-Vallée? Vous avez effectivement les entreprises qui sont sur place, la Direction régionale des routes, qui était également sur place, d'ailleurs depuis cette nuit, et qui fait le nécessaire très rapidement pour que la circulation soit rétablie. Alors on a un délai? Non, absolument pas. Et c'est effectivement à ce niveau-là qu'il y a une incertitude aujourd'hui, mais je pense que dans la matinée, les choses seront rétablies. Ceci étant, il a été en tout cas nécessaire de notre côté de mettre en place ces convois aériens de manière à ce que les élèves ne soient pas en tout cas dans cette incertitude-là et puissent se rendre, comme je l'ai dit, dans leur centre d'examen. Nous avons fait le nécessaire également auprès du rectorat, donc tous les centres d'examen seront prévenus de la situation. Olivier Rivière, le maire de Saint-Philippe, répondait en direct à 7h à Florent Marot. Le rendez-vous est donc pris jusqu'à 8h30 au Cap Méchant pour les candidats au bac. Et il y a du nouveau, le passage des véhicules est possible sur une voie par intermittence sur cette route de Basse-Vallée. Suite à l'inspection de la falaise, les travaux de purge programmés ce matin nécessiteront des coupures de la circulation de 45 minutes environ. Aux assises, 10 ans de prison à l'encontre de Joël Hérault. C'est le verdict prononcé hier soir alors que l'avocat général avait requis une peine de 8 ans. Joël Hérault a été reconnu coupable de violences volontaires qui ont entraîné la mort de Maurice Eppard. Aujourd'hui, c'est une autre affaire que la cour examinera. Denis Latra, 40 ans, comparaîtra pour tentative de meurtre sur conjoint. Des faits qui remontent au 2 août 2014 à Langevin à Saint-Joseph. Il s'était déroulé sous les yeux de nombreux témoins, Nadine Bachelot. La rivière Langevin est un lieu habituel des sorties dominicales. Mais ce samedi après-midi du 2 août, le pique-nique va se terminer dans un bain de sang. Danielle Zitt se trouve avec ses 4 enfants de 14 à 3 ans sur la berge. Elle va être l'objet d'un déchaînement de violence inattendu de la part de son compagnon dont elle est séparée depuis quelque temps. Denis Latra l'aurait d'abord traîné dans la rivière pour lui mettre la tête sous l'eau. Ensuite, ce sont des coups de couteau assénés au cou avant de la frapper avec une roche. Une scène qui se serait déroulée qui est de ne pas tuer leur maman. Le plan Papang est déclenché par les forces de l'ordre pour retrouver l'homme en fuite après son forfait. Latra a reconnu la totalité et la gravité des faits. Cependant, il dit ne pas comprendre son geste. La garde des enfants serait à l'origine de cette agression sauvage. Nadine Bachelot. En bref, le débris retrouvé hier sur le littoral de Brapanon n'appartient pas au vol MH370 de la Malaysia Airlines. Les autorités sont formelles. Il pourrait plutôt s'agir d'un morceau de bateau. La découverte avait été faite tôt hier matin sur les galets de la plage panonaise. Simon Dary, un emploi vert, avait trouvé une grande pièce métallique et prévenu les gendarmes. Priorité au direct, on retrouve Yves Gruyer qui se trouve à Basse-Vallée où la route a été coupée. Il se retrouve peut-être avec des candidats au bac qui prennent l'hélicoptère. Absolument, ce matin. Candidats au bac, là vous entendez l'hélicoptère qui va partir dans un instant, là c'est la joie ici, Lucas va passer, c'est ton passe-temps de l'air. Bah oui, effectivement, mais j'ai jamais pris l'avion ni l'hélico, donc à peu près. Alors, t'as eu la nouvelle comment, là? Donc, t'allais prendre l'hélico pour aller passer le bac? Ce matin, je dormais encore, vu que mes épreuves, c'est dans l'après-midi. On m'a réveillé en catastrophe pour dire que je vais prendre l'hélico ce matin obligatoirement. Ah, et tu vas passer quelle épreuve aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, c'est SVT que je passe. SVT, donc, la maquette. La maquette, oui. Alors, il y a Nicolas qui est. Nicolas, toi aussi, tu passes quel bac, hein? Je passe le bac de biologie. Et biologie, SVT, donc, là aussi, c'est, pour toi, c'est une première? Ouais, c'est pour moi, c'est une première de passer un hélico comme ça. Et vous êtes pas trop stressé? Si, quand même, mais voilà, au moins on est content de partir. Voilà, donc c'est important. Vous entendez, l'hélico vient de partir à l'instant, et donc bah ils sont, je sais pas, il y a quelques-uns, donc c'est la combien de rotations déjà, vous avez eu? La première rotation là, et on passe par groupe de 6. Voilà, donc il y a une, je sais pas, une trentaine à peu près de marmailles qui sont en effervescence ici pour aller prendre l'hélico, et ils vont être acheminés de l'autre côté des rampes de Basse-Vallée. Vous savez où vous atterrissez? À ce qui paraît, c'est l'Angevin. À l'Angevin. Bah voilà, donc un petit tour d'hélico. Voilà, offert donc ce matin, c'était la surprise du jour, ma chère Cécile. Merci beaucoup Yves Gruyer pour ces précisions en direct. Baptême de l'air, effectivement, pour les candidats au bac de Basse-Vallée ce matin. L'association SOS Médecins fête cette semaine ses 50 ans à La Réunion. Il y a trois antennes installées à Saint-Denis, Saint-Pierre et Saint-Paul. Dans leur salle d'attente, on trouve souvent des patients comme Sylvie qui font le choix de ces cabinets de garde plutôt que des urgences ou de leurs médecins traitants. En fait, c'est les médecins de proximité qui nous permettent de venir à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et ils sont toujours disponibles, contrairement à mon médecin référent, où il faut attendre des heures et des heures et tout. Et comme ils sont souvent, quand il y a des épidémies, entre deux ou trois médecins, donc c'est plus rapide. C'est beaucoup plus difficile d'aller chez le mien, parce que bon, c'est ce que je lui disais très récemment. On ne peut pas prendre rendez-vous, sinon il faut venir, il faut attendre des heures et des heures. Et moi j'ai du mal avec ça, surtout que je travaille. Donc c'est pour ça que je préfère venir chez SOS Médecins. Une patiente de SOS Médecins interrogée par Bruce Régent, SOS Médecins, qui fête donc cette semaine ses 50 ans. Santé toujours avec les premiers tests sur l'homme d'un vaccin contre le Zika. Il devrait être rapidement lancé. Une information de la chaîne américaine CNN qui suscite des espoirs contre cette épidémie qui se propage sur le continent américain et qui se répand rapidement à Porto Rico depuis juin. Une société américaine annonce avoir réalisé des tests concluants chez les animaux. Les explications de Marie-Carline Chardonnet. L'américain Inovio Pharmaceutique et le sud-coréen GLS ont travaillé ensemble sur le virus Zika GLS 1700, qui sera d'abord testé sur 40 volontaires en bonne santé. Les premiers essais devraient commencer dans les prochaines semaines, a annoncé Inovio dans un article publié lundi sur le site de CNN. Dans le stade de l'expérimentation animale, le vaccin a provoqué une forte réponse d'anticorps, un premier succès qu'il faudra confirmer. Inovio et GLS ont fait savoir que la prochaine étape consistera en des tests supplémentaires sur un groupe de personnes ayant Zika et puis sur un grand nombre de volontaires. Mais ils ne sont pas les seuls dans cette course au vaccin. Selon l'OMS, une vingtaine d'entreprises tentent de développer un vaccin comme l'équipe américaine du docteur Anthony Fauci, qui tape sur une expérimentation humaine fin août. Toujours selon l'OMS, le virus Zika, transmis par le moustique Aedes aegypti et qui entraîne des risques de microcéphalie chez le nourrisson, devrait entraîner 3 à 4 millions de nouvelles infections cette année seulement. Marie-Carline Chardonnet. À Mayotte, la maison des personnes handicapées devient la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées. Créée en 2010, la structure change de statut, certes, mais va continuer à accueillir, informer, accompagner et conseiller les personnes handicapées et leurs familles. La MDPH a aussi une mission de sensibilisation au handicap. Frati Youssouf Saïd revient sur les 5 ans d'existence de la maison des handicapés à Mayotte. La MPH compte plus de 4000 personnes en situation de handicap. Il s'agit de personnes qui font une demande d'aide pour les diverses prestations dont elles ont droit. À ce jour, 3000 dossiers sont déjà traités. La MPH sert de guichet unique et évalue les besoins des personnes handicapées et de leurs familles. Mariam Saïd Kalam, directrice de la MPH. C'est-à-dire une personne vient avec un certificat médical, avec une demande formulée. On se retrouve en équipe pluridisciplinaire pluridisciplinaire pour étudier les besoins réels de cette personne au vu de son handicap. On est dans ce qu'on appelle la compensation. La MPH ne paie donc pas la personne, elle compense son handicap en évaluant ses besoins. Ses nombreux partenaires se chargent du reste. La MPH s'occupe aussi de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap en leur octroyant la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Mariam Saïd Kalam, directrice de la MPH. C'est des personnes qui sont en âge et en capacité de travailler. On a à peu près 800 personnes en 5 ans de fonctionnement qui ont acquis le statut de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. La MPH devient désormais MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, ce qui laisse espérer une extension à Mayotte de toutes les mesures de droit commun pour un meilleur accompagnement des personnes en situation de handicap. Afrahati Youssouf Saïd de Mayotte Première. C'est l'un des plus anciens restaurants de l'île et il fermera bientôt ses portes si l'on s'en tient à la décision de l'ONF. L'Office national des forêts a décidé de ne pas renouveler la concession au restaurant de l'Anse des Cascades à Sainte-Rose. Le site était mis à disposition de la famille Denmont depuis 1969. Une famille qui dénonce aujourd'hui une décision politique. La propriétaire du restaurant était auparavant première adjointe du prédécesseur et opposant de Michel Vergoz, Bruno Mamadi Pajani. Le maire de la commune réfute cette accusation et avance un nécessaire aménagement en phase avec l'intérêt général. On écoute Michel Vergoz. Cela va dans le bon sens, puisqu'on va pouvoir enfin parler de l'intérêt général sur l'ensemble du territoire, qui est pour moi l'un des plus beaux de la Réunion. À partir du moment où on est d'accord pour que, globalement, le site de l'Anse des Cascades soit pris en compte comme une des vitrines majeures du développement économique en matière touristique de la ville, alors on parle avec toutes les cartes sur la table. Et ces cartes, parmi ces cartes, c'est la fin d'une concession. Je dis à l'ONF, eh bien les planètes s'alignent, je suis demandeur de la concession si vous la renouvelez. Je suis, moi, potentiellement acteur de l'ONF demain. Après, c'est à l'ONF de choisir. Michel Vergoz interrogé par Henri-Claude Elmain. Du sport avec l'Euro de football. Dimanche, l'équipe de France disputera son 8e de finale, mais on ne connaît toujours pas son adversaire. Dimitri Payet continue de faire le buzz. C'est le chouchou des Français. Le Réunionnais garde la tête froide. S'il est aujourd'hui à ce niveau, c'est grâce, assure-t-il, à son année passée en Angleterre. Dimitri Payet. Je pense que tout simplement le niveau de la Première Ligue m'a aidé à me rapprocher du niveau international. Parce que quand on évolue dans ce championnat, il y a pas de match facile. Et il y a surtout un engagement physique rude, parfois à la limite. Et je pense que toutes les deux semaines, on évolue contre un top club européen. Donc il faut être au niveau. Donc je pense que le niveau de la Première Ligue m'a aidé à me rapprocher de celui du niveau international. Dimitri Payet, chouchou des supporters anglais de West Ham, aussi son club en Première Ligue. Eux aussi ont fait une chanson en son honneur, le fameux « We've got Payet ». L'info revient à 9h. Il est 8h12 sur la Première. Direction Paris pour la revue de presse. On retrouve Steven Lipat. Bonjour Steven. Bonjour Cécile, bonjour à tous. La presse s'interroge de plus en plus sur le rôle de Fabien Klein dans les attentats de Paris, d'autant plus que son nom apparaît dans l'enquête sur le double meurtre de Magnanville dans les Yvelines. Oui, quand ce n'est pas sa voix qu'on entend pour revendiquer un attentat, c'est son nom que l'on découvre chez un des hommes soupçonnés de terrorisme. Le Réunionnais, bien connu des services de renseignement, a fait son apparition dans l'enquête sur le double meurtre des policiers de Magnanville. Saad Rajraji et Sharaf Din Abérouz ont-ils agi après avoir reçu des ordres donnés par Fabien Klein depuis la Syrie? C'est ce que l'enquête tente désormais de le déterminer. 20 minutes revient sur les différents événements terroristes dans lesquels il est impliqué. C'est la voix qui revendique les attentats du Bataclan et des à Villejuif, il aurait téléguidé Sid Ahmed Glam, également depuis la Syrie. Toulouse, il est représenté comme étant un proche de Mohamed Merah. Mais dans la seule interview qu'il a accordée à un journal français, à savoir 20 minutes, Fabien Klein nie pour autant les faits. Tout autre chose, le rappeur Rof a été renvoyé devant le tribunal pour une agression dans la chaîne de vêtements de son rival Booba. Oui, l'histoire d'une rivalité artistique qui a dérapé, rapporte Le Parisien. Le rappeur vient d'être renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits de violence aggravée commises en avril 2014 dans le premier arrondissement de Paris. Au cours de son procès, dont la date n'a pas encore été fixée, il rofre donc de son vrai nom. Ousni Moukboua sera jugé aux côtés d'un de ses gardes du corps, complice présumé de cette agression d'une extrême violence. Le jour des faits, deux employés de la boutique Uncut, donc la marque de vêtements développée par son ennemi juré, le rappeur Booba, voit débarquer Rof à moto entouré d'une dizaine d'acolytes. Après avoir fait... Oui, attention. Après avoir fait mine de parler à l'un des vendeurs, le rappeur originaire de Madagascar et père de quatre enfants l'a donc frappé au visage avec un poing américain. La scène d'une durée de 45 secondes est entièrement filmée par les caméras de vidéosurveillance des lieux. En garde à vue, il a tenté de se dédouaner en expliquant qu'une rivalité notoire donc persistait depuis 2008 avec entre lui et Booba. L'auteur présumé des faits a également affirmé n'avoir porté qu'une grande baffe à la victime avant qu'elle ne soit frappée par des fans qui l'avaient suivi dans la boutique. Voilà, donc on attend maintenant la date du procès, de ce fameux procès du rappeur. Merci beaucoup Steven, bonne journée. Merci à vous. Le soleil va briller sur l'ensemble du département, dans les cirques, aux volcans et dans les plaines. Et ce beau temps, nous allons le garder pour quasiment toute la journée. L'apparition de nuages ne se fera qu'en fin d'après-midi dans la région de l'Est. Et grâce à ce bon ensoleillement, la fraîcheur matinale se fera vite oublier et des températures maximales qui retrouveront surtout des valeurs de saison. Le zoo à la vol, son liberté, la donaille, la parole. Il me dit ça qu'il pense, il aime la musique. Les gens se rencontrent. C'est aussi pour bande musicienne. Raconter une histoire. Une musique jeune, comme une nouvelle texture à travailler. Culture première. Il faut prendre le temps. Tous les vendredis, après le journal de 18h. Sur Réunion Première. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première. Lundi au vendredi, sur les étals des marchés de notre île, avec vous, 5h45, 6h20, 9h55, 10h28. C'est la fraîcheur. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Il fait plaisir voir à vous préparer un bon curry, mon chéri. Oui, un curry, il faut préparer un lit. Vous connaissez une retraite aussi. On a bientôt 62 ans. Il faut regrouper de papier dès maintenant. Il n'est pas automatique? Non, il faut vous déposer votre dossier retraite complet 6 mois avant la date prévue. Au moins, on sera sûr d'être payé dans les temps. Un conseiller retraite CGSS, il peut aider à vous. Futur retraité, pour bénéficier de votre retraite dans les temps, contactez le 3960 et déposez votre dossier complet 6 mois avant votre départ. Service 0,06 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel local. Poussez les portes du conservatoire Rayonnement Régional. Elles vous seront ouvertes du 20 au 25 juin à Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Paul et Saint-Pierre. Vous y découvrirez les nouveautés de la rentrée, la danse africaine et afro-cubaine dès 11 ans et redécouvrirez les danses traditionnelles de la Réunion, Maloya, Séga, Quadrille. Toutes les informations sur ces portes ouvertes et les préinscriptions sur le www.conservatoire.regionreunion.com. Nutracini rayonne au conservatoire. Première. La formation routière dans moins de 2 minutes sur Saint-Philippe avec Yves Gruyer. Le pari est fou, l'aventure sera belle, un tour de l'île pour les personnes à mobilité réduite. Où, quand, comment et pourquoi? Alors c'est du 10 au 17 juillet, plusieurs porteurs vont se relayer pour faire découvrir cette belle île de la Réunion à des enfants et à des adultes en situation de handicap. Parce que pour la plupart d'entre eux, cette île est loin d'être accessible. Quel rêve, quelle belle initiative. 240 km à traverser, une aventure qui sera forcément inoubliable pour les marcheurs qui vont les côtoyer pendant cette semaine de partage. Leur devise, tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Pour donner votre sentiment sur cette marche de l'incroyable, merci de composer le 02 62 99 2000 et puis par SMS au 06 92 608 335. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montanet. Retour sur l'éboulis de Saint-Philippe avec Yves Gruyer. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Yves, bonjour, c'est à vous. Oui, bonjour Claude, vous entendez encore un hélicoptère et il reste, plus grand monde, il reste, là, c'est doit être la quatrième rotation et il reste 2-3 groupes maximum qui vont prendre l'hélicoptère. Je suis avec Nirina, c'est une maman donc très stressée ce matin. Le stress, vous l'avez pris hier soir quand vous avez appris ou ce matin? Non, c'est ce matin vers 6h30. Ouais. Et donc, j'ai une copine qui m'a appelé là. Oui, qui sait, elle est rentrée, c'est fermé. Donc, elle dort encore. Elle est en train de dormir ensemble, donc je lui dis, réveille-toi, parce que là, il y a ça, mais vous allez être vieille fille, hein, j'ai besoin de ça. En rigole, hein. Je dis quoi, maman? Je dis, qu'est-ce que c'est? Je dis, oui, c'est... Il y a des loupières qui sont déposées en... décembre. Alors, attends, l'hélicoptère est en train de décoller. Irina, votre fille, elle va passer le bac S, et c'est la dernière épreuve, en plus. C'est la dernière épreuve, oui, aujourd'hui, donc... Un petit peu, oui. Elle est toujours comme ça. C'est une première. C'est une première pour elle. Oui. C'est une première pour elle. C'est trop court, c'est dommage. Mais c'est trop court parce que ça va vite. Ça fait combien de minutes là? Ah, il y a 3 minutes. Après. 3 minutes, donc déjà, c'est un bon souvenir aussi. Hein. Ouais. Oh, oui, c'est un bon souvenir à passer un bac avec l'hélicoptère. Donc ça fait. Ça va marquer les esprits. Et puis, je dis à ma fille, hein, vous allez être vraiment un vieille fille. Je dis pas à la même ou quoi. Vous l'auriez bien accompagné. Oui, voilà. Donc j'en ai une qui allait prendre pas valer aussi. Donc j'ai déposé en même temps. Voilà. Ouais. Et ben, merci Nerina, voilà, donc voilà, c'est sur des parents, vous voyez, ça se passe quand même plutôt bien, alors tous les jeunes sont contents, j'ai vu 2-3 qui étaient un peu visage fermé, mais on fait des selfies, on se fait des photos, et voilà, c'était l'événement du jour, bien entendu, donc de pouvoir prendre l'hélicoptère, ouverte au niveau des blocs, on a pu dégager une partie de la chaussée, la circulation se fait au compte-gouttes, donc, parce qu'il y a donc des cordistes, mais elle peut se faire quand même, donc en attendant, donc des travaux plus lourds, bien entendu, il y aura des coupures toute la journée forcément pour nettoyer toute cette falaise après l'éboulement d'hier soir. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Il est question des plus grosses tortues du monde, direction la Guyane avec Caroline Marie sur la première. Planète Outre-mer, la chronique environnement présentée par Caroline Marie. La plage d'Awala Yalimapo a été longtemps le site de ponte privilégié des plus grosses tortues du monde, les luttes. En 1998, la réserve naturelle de la Mana y a été créée. Elle englobe les 60 km de littoral à l'ouest de la Guyane, soit en tout 14 800 hectares. Johan Chevalier, conservateur de la réserve naturelle de la Mana. C'est un site qui est vraiment un site d'importance pour le patrimoine naturel et qui a été identifié depuis très longtemps. Notamment pour les tortues marines qui viennent y pondre en grand nombre et qui a été découvert dans les années 60-70. Donc c'est principalement pour les tortues marines initialement. C'était le plus gros site de ponte de tortues luttes du monde pendant très longtemps, avec quasiment 50% de la population mondiale qui venait pondre sur la plage de Yalimapo. Et en plus, il y a beaucoup de milieux humides qui sont vraiment très intéressants, notamment pour tous les qui est canards ou ibis rouge ou les vasières pour les limicoles. Donc c'est vraiment un site au niveau zone humide et au niveau notamment de toute la vie faune des zones humides qui est particulièrement important. Jusque dans les années 90, la moitié de la population mondiale des tortues luttes venait pondre sur la plage d'Awala Yalimapo. Aujourd'hui, le site a perdu 90% de sa fréquentation. Les spécialistes identifient plusieurs causes à ce déclin. Probablement tout d'abord un cycle naturel, l'érosion du littoral également, mais c'est surtout la pêche illégale qui est pointée du doigt. On a des tapouilles du Suriname qui viennent pêcher dans l'ouest guyanais avec des filets qui font 5 km. Ils utilisent ces filets en dérivant, donc ils laissent le filet dériver sur plusieurs kilomètres. Or, le fond ici est relativement haut. 5 mètres de hauteur d'eau, on prend toute la hauteur d'eau et donc on capture tout ce qu'il y a dans l'eau, donc notamment les tortues marines. Donc on a vraiment eu un très très gros problème avec de nombreux échouages de tortues luttes. C'est pour ça qu'on fait de nombreuses actions pour limiter la pêche illégale. Notamment, on travaille avec l'armée, avec l'action de l'État en mer, avec l'ONCFS. L'année dernière, on a participé à l'arraisonnement de 7 tapouilles. On avait une trentaine de kilomètres de filets saisis à la réserve naturelle. Et c'est vrai qu'on a un rôle un petit peu de, quelque part, de lobbying, de pousser les autres structures à leur dire venez dans l'Ouest aussi parce que il y a un réel problème, il y a un réel enjeu. Et après, d'être efficace sur le terrain, notamment avec le fait qu'on ait des gardes qui parlent Sranatongo, qui parlent Takitaki. Ça permet, lors des interpellations, d'avoir une ambiance un peu plus calme. En plus de la pêche illégale, les algues sargasses ont également fait leur apparition sur la plage d'Awala Yalimapo. Un élément supplémentaire qui rend ce site de plus en plus difficile d'accès pour les tortues luttes. C'était Planète Outre-mer avec le soutien de l'Agence française pour la biodiversité et le ministère de l'écologie. Merci Caroline Marie. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montané. Cela s'appelle le tour de l'île des handicapables. Mais pourquoi un tel défi? Pourquoi cette aventure quasi de l'extrême pour certains d'entre eux? Nous allons tout vous expliquer. Vous allez tout savoir sur ce défi, pas comme les autres. Et puis sur ce défi de l'humain pour l'humain, de l'homme pour les enfants. Les réactions au standard de la première, 02 62 99 2000 par SMS au 06 92 608 335 et sur la page Facebook de l'émission Allo Première. 8h24, voici Samaloya signé Tuguna. Freedom rising. Samaloya, samemaloya sa tule. Without a hope in you, will come is my mind. No night without a present in you, for giving me love and light, my freedom, my freedom. I'm still free, so I'm gonna keep on talking out loud. Hey, I'm still free, so I'm gonna keep on walking down proud. There's a time, brothers, we're hidden to sing this song. In my head, still ring the calling for freedom. Samaloya, samemaloya, satule. Hear the voices calling for the freedom rising. Samaloya, samemaloya, satule. Hear the voices calling for the freedom rising, rising. Comme un laiton, la poussière s'attire. Paroles des graines comme s'appelait la prière. Le bruit des envies pour raconter sa tire. L'esprit marron vient pour chanter en fond de guerre. Laisse la liberté n'a souvent aujourd'hui. T'allais quand les chants, t'allais quand les filles. Chauffe mon cœur comme la peau roulait dans la nuit. Samaloya, Samaloya. Nos cacaillons se sont fait noir dans nos vies. Et à l'été en mai, il est reconnu. Fin de mon douleur comme un fanat sur mon esprit. Samaloya, Samaloya. Tuguna sur la première, le tour de l'île des handicapables, on en parle sur la première. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montané. Lorsque les valides se donnent la main pour porter des personnes à mobilité réduite pour un tour de l'île, le défi est incroyable. Les invités pour en parler ce matin, Jimmy Nayagom de Réunion Aventure Joëlette, Brigitte Waro, référente handicap à France Télévisions, Chelsea et Jenny qui sont avec nous, c'est deux jeunes filles de 12 ans. Bonjour à tout le monde, merci d'être là. Bonjour, bonjour Jimmy. Bonjour. Merci. Et puis alors, il y a aussi Patrick Lefebvre qui est le président de l'association, donc qui est avec nous. Bonjour Patrick Lefebvre. Bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour merci, Patrick. Merci d'être Patrick. Là. Alors Patrick bonjour, Lefebvre, pourquoi un tel défi? Ce défi-là, ça a été imaginé par des gens de l'association, donc les têtes pensantes, on va dire, Joël Jans et Bernard Lebeau. Et donc, ils se sont lancés comme projet de faire ce tour de l'île. Ça paraissait un petit peu fou au départ, mais bon, petit à petit, en parlant autour de nous, notamment avec Brigitte, avec les différentes communes, avec les associations, on a décidé de se lancer dans l'aventure. Oui, parce que pour la plupart des enfants, mais aussi des adultes, la Réunion est loin d'être accessible, hein, parce qu'on connaît malheureusement pour ces personnes, parce qu'elles sont à mobilité réduite, donc pour beaucoup, connaître la Réunion de l'intérieur est un peu difficile, Patrick Lefebvre. Ouais. Tout à fait, oui, c'est vrai. Alors c'est pour ça, justement, on veut profiter de ce tour de l'île pour faire connaître l'usage de la joëlette. Normalement, on est censé aller plus à l'intérieur des cirques, dans les montagnes, etc., pour vraiment aller dans des endroits inaccessibles. Là, on va plus travailler, entre guillemets, hein, sur des sentiers littoraux, mais ça permettra au plus grand nombre de voir ce que c'est que la joëlette, de vouloir peut-être en profiter ultérieurement. Voilà. Alors, 240 kilomètres à traverser? Au total, oui. Surtout le Tour de l'île, oui. 240, c'est vrai qu'en général, on dit que le Tour de l'île, ça fait 220 km, mais à un moment donné, on est obligé de passer à l'intérieur des terres pour revenir ensuite sur tous les sentiers littoraux, c'est-à-dire le plus large possible. Et donc, c'est pour ça qu'on estime ça à 240 km. Oui. Jimmy Nayagom, vous êtes le vice-président de l'association Réunion Aventure Joëlette, et pourquoi vous avez accepté de participer à ce défi ? Le défi ? Parce que c'est en détente, Jimmy Nayagom. Oui, c'est un défi, parce que moi, personnellement, c'est pour prouver à toutes les personnes à mobilité réduite que malgré notre handicap, on a le droit de vivre comme tout le monde et de rêver surtout. Et grâce à Réunion Aventure Joëlette, Patrick en tant que président et après tous les membres bureaux qui sont autour, nous permet de rêver. Et c'est un grand merci à eux, principalement, car sans les porteurs, nous, les personnes à mobilité réduite, on est condamnés à rester chez soi. Moi, je suis légèrement autonome, parce que je peux conduire, mais malgré tout, conduire, il y a quand même des limites, parce que je ne peux pas aller dans les montagnes. Voilà, et grâce à eux, je pars partout grâce à eux. Donc, merci à eux et surtout de nous permettre de rêver. Voilà. Nous entendrons les enfants qui sont avec nous également, Chelsea et Jenny, et puis Brigitte Boireau, référente handicap à France Télévisions. C'est juste après l'information routière sur la première, il est 8h30. Votre trajet en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Et oui, Yves, la situation se complique, hein, on est d'accord, sur Saint-Philippe, dans le secteur du Sud Sauvage, avec cette éboulie hein, depuis ce matin. Elle se complique, non, elle se dégage, au contraire, ça se libère. On a réussi à faire passer les bacheliers, 34 marmailles, ils sont partis, hein, donc on a pu prendre l'hélicoptère, rejoindre l'engin, donc 3 minutes de vol, 3 minutes de bonheur pour eux, parce que c'était une première, vous l'avez entendu, en tout cas pour tout à l'heure dans le journal, la circulation a pu être rétablie en partie, hein, donc une petite voie de circulation a été dégagée juste avant 8h. Ça veut dire qu'on a désenclavé quand même Saint-Philippe, hein, puisque c'était le gros sas pour beaucoup. Ce matin au réveil, hein, puisque la plupart n'étaient pas au courant, ça s'est passé. Donc premier éboulement hier à 20h, mais a été dégagé. Le deuxième, lui, plus tard dans la soirée, bloquant totalement la circulation. Et donc voilà, on a pu dégager juste avant 8h une voie de circulation. En attendant des travaux plus lourds qui sont entrepris en ce moment. Donc ça se dégage et ça se libère ici. Un peu de patience. Le trafic se fait donc avec attention à un bus qui est en grande difficulté sur les voies côté mer en direction de l'ouest. Il circule entre le virage du Gouffre et la Grande Chaloupe en ce moment. Boîte de vitesse bloquée semble-t-il et il va sans doute s'arrêter à la Grande Chaloupe. Attention, il circule en partie sur la bande d'arrêt d'urgence en direction de l'ouest. Donc attention, prudence. Pas de changement pour les embouteillages. L'échangeur de Plateau Caillou, entrée ouest, ça va mieux puisque c'est sous le tunnel du Cap Bernard et puis l'entrée est où il y a eu assez peu de problèmes ce matin. Très bonne route, on rappelle donc dégagement en cours sur les rampes de Basse-Vallée et travaux de purge prévus toute la journée de toute façon, ça c'était déjà au programme avec des coupures de 3 quarts d'heure. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, on en parle sur la première. 8h, 10h. Allô première, Claude Montanet. Si on écoutait les enfants qui seront portés pendant ce tour de l'île, Chelsea et Jenny. Alors déjà, il y a le grand sourire, on est très content de vous avoir ce matin. Oui, alors Chelsea, tu connais ou pas La Réunion ? Oui. Oui, qu'est-ce que tu connais ? Quel endroit que tu connais ? Chelsea, allez, Jenny, aide Chelsea. Elle a peut-être un petit trou de mémoire là. Alors, qu'est-ce que vous connaissez, les filles ? Cherchez bien. On connaît bien ou on ne connaît pas bien ? Brigitte Boireau. On connaît bien. Oui. Il y a des endroits que tu as traversés déjà avec la Joëlette, non ? Oui. Alors, raconte-nous, Jenny. Quel endroit tu as traversé déjà ? De la Redoute... Jusqu'où ? de la Redoute jusqu'à la Grande Chaloupe. Parce que Brigitte Poirot, oui, vous êtes la référente donc handicap à France Télévisions à Réunion Première. Vous avez déjà accompagné ces enfants, donc parce qu'il y a eu des entraînements, etc. Il y en aura un autre encore ce dimanche. Voilà. Nous avons déjà avec l'association Réunion Aventure Joëlette, que je salue ici, fait plusieurs entraînements, en effet, et nous avons eu l'honneur de porter avec les porteurs de Réunion Aventure Joëlette, Chelsea et Jenny, sur la portion La Redoute, La Grande Chaloupe. Elles sont timides comme ça, mais quand elles sont dans les Joëlettes toutes les deux, elles se taquinent tout le temps. D'ailleurs, elles n'arrêtent pas là en studio, mais dès qu'il s'agit de parler, là, elles sont un peu timides. En fait, ça viendra tout à l'heure. Voilà. Et moi, je dois dire que c'est une aventure extraordinaire que Réunion Première va accompagner. Nous accompagnons d'ailleurs déjà depuis le début des entraînements. Les portées sont quelques là, parmi nous il y a les deux, sont vraiment des personnes qui retrouvent ou qui vivent cette aventure avec tout le sourire et le bonheur qu'on peut ressentir lorsqu'on est satisfait, lorsqu'on partage quelque chose. Et c'est vrai que c'est d'abord une aventure de solidarité et de partage. Et on le voit déjà depuis qu'on fait les entraînements, que ce soit à Saint-Denis, la Ravina Malheur à la Possession, le Port avec la commune du Port, Saint-Leu avec le CCAS de Saint-Leu et la mairie de Saint-Leu, Saint-Pierre et dimanche Saint-Philippe, Sainte-Rose. En effet, il y a un petit problème de route au niveau de Saint-Philippe. Oui, on va essayer de joindre Monsieur le maire. Voilà, mais ça pourra se faire. Et c'est vrai que l'adhésion des associations, des communes et de tout un chacun, des familles et des amis de ceux qui sont portés et des porteurs, c'est quelque chose de formidable. Que pensez-vous d'une telle action? Seriez-vous partant pour rejoindre cette équipe? Est-il encore temps de devenir porteur de Joëlette? Émilie de la Montagne est avec nous. Bonjour Émilie. Bonjour. Merci. Bonjour à tous. Alors, il me semble que vous serez de la partie alors de ce tour de l'île. Oui, je fais partie de l'association Réunion Aventure Joëlette. Oui. J'ai participé à l'entraînement Saint-Leu-Saint-Pierre. Et dimanche, je ferai partie de l'entraînement pour Saint-Philippe-Sainte-Rose. Et bien sûr, je tiens beaucoup à participer pour le Tour de Lille en tant que porteur. Et pour quelle raison? Qu'est-ce qui vous motive, Émilie, de rejoindre cette équipe? Partage, plaisir. Partage, plaisir. Ah oui, c'est extraordinaire, comme disait Brigitte. C'est formidable de pouvoir partager sa passion avec des personnes porteurs de handicap. Et c'est vrai qu'avoir leur sourire et leur déconnade, entre guillemets, sur tout le parcours, c'est vraiment magnifique. Et faire découvrir à ces gens-là ce que nous, peut-être, on connaît un peu, c'est formidable, c'est extraordinaire. J'invite tout le monde à participer, en tout cas. Les auditeurs de Réunion Première sont très touchés ce matin et félicitent vraiment toute l'organisation. On est touchés par l'aventure et notamment pour les portées et les porteurs. Jimmy Nayagom, pour répondre aux auditeurs de la Première. Ben, nous aussi, on est touchés des messages de sympathie. De sympathie du public. Et ça serait bien de venir nous rejoindre sur notre trajet, parce que là, on en parle, c'est merveilleux d'entendre ce qu'on dit, mais de le vivre, l'action avec nous, c'est encore plus beau. Parce que quand on voit une personne à mobilité réduite qui est en fauteuil, qui ne peut même pas se déplacer pour sortir de dans sa maison, et là qu'il peut partir en randonnée, c'est des moments magiques que tout le monde devrait voir au moins une fois dans sa vie. Comment se passe l'entraînement, Jimmy Nayagom? L'entraînement, c'est une partie de plaisir. Il y a de la discussion, ça sourit, ça, c'est drôle. Racontez-nous un instant. C'est rigolo parce que. On arrive à faire des blagues avec les porteurs, avec tout le monde. Et c'est des moments vraiment... Comme je le dis toujours, c'est pas facile à trouver les mots. Pour nous, les personnes à mobilité réduite. Le seul truc qu'on peut... Ben, exemple, j'ai ma nièce qui me demandait, ma cousine qui me demandait, c'est quoi participer à ça ? Elle me dit, si tu veux vraiment vivre, il faut venir. Elle est venue, maintenant elle est mordue, donc voilà, elle vient à tous les trucs, et donc elle me dit, vraiment, c'est... Trouver les mots, c'est pas facile, mais venez me le vivre. Brigitte Moreau, oui. vous le vivez ça oui. aussi Oui, je le vis parce qu'un entraînement, c'est formidable. D'abord, ça commence par la commune qui nous reçoit avec un petit déjeuner à 7h moins le quart. En général, on se restaure bien. Je pense que Patrick Lefebvre est là avec nous et il ne va pas dire le contraire. Oui. Donc, on se restaure bien parce qu'un bon petit déjeuner, ça aide pour porter, ça aide même pour accompagner. Il ne faut pas qu'on soit en manque. Il y a toujours une voiture qui accompagne avec un ravitaillement. D'abord, il y a une sorte de préparation avant de démarrer avec le président, Patrick Lefebvre, il peut en parler. On donne à chacun les harnais. Hein. Je te laisse raconter ça, Patrick, peut-être. De toute façon, à chaque entraînement, voilà, il y a le rappel des consignes de sécurité, parce que la sécurité, c'est quand même le point ça, important. C'est très important, oui, Patrick Lefebvre. Oui. Du parcours, tout à fait. Je ne sais pas si on m'entend bien. Non bien sûr, allez-y. D'accord, ok. Donc la sécurité, c'est quelque chose de super important. Hein. Par exemple, quand on se déplace sur les anciennes routes nationales, quand on est obligé de passer là où il y a un peu de circulation, on est accompagné avec gyrophare devant, gyrophare derrière, gilet de sécurité sur les côtés pour protéger le groupe. Et puis ensuite, comme Jimmy l'a dit, après ça se passe complètement dans la bonne humeur. Voilà. Au niveau de l'organisation, il y a aussi le casse-croûte du midi qui est offert et tout. Bah, tout est calculé, tout est organisé, bien comme il faut, quoi. Et également le ravitaillement et le coucher et l'hébergement en commune, parce que c'est à peu près 40 km par jour. Et à chaque commune qu'on traverse, il y a un accueil qui est fait par la commune, le CCAS de la commune en question, et avec repas du soir et coucher pour repartir le lendemain matin. Moi, je veux noter aussi la participation de toutes les associations sportives qui se sont déjà inscrites, et il y en a pas mal, des pompiers, des clubs de raideurs, j'oublie pas grand monde là, Patrick, il me semble. Mais là, on s'aperçoit que tout le monde est touché, tout le monde est concerné. Ah, le parrain et la marraine, oui, Marcel Puy, qui a pas une bonne santé là en ce moment, on pense bien à elle, mais elle est la marraine. Freddy Thévenin, qui est en Italie et qui est le parrain, Monsieur Fontaine Raymond également, Fontaine. Raymond Fontaine. On profite de l'occasion, Claude, pour rendre hommage à quelqu'un qui nous a soutenus par tous les temps et qui n'est plus depuis la semaine dernière, monsieur Claude Tirel, qui est décédé. Qui a beaucoup fait pour les handicapés. Qui est un grand et qui aurait aimé voir la réalisation de cet événement-là. Alors, l'entraînement de ce dimanche, c'est de Saint-Philippe à Sainte-Rose. Vous savez que depuis ce matin, il y a cette éboulie qui cause énormément de soucis dans le secteur. Le maire de Saint-Philippe est avec nous, Olivier Rivière. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être là. Alors, un petit mot, évidemment, parce que c'est important, sur ce qui se passe ce matin, avec ces élèves qui doivent passer le bac, avec les rotations de l'hélicoptère. Oui, bien sûr, la situation, elle est celle-ci. La circulation est rétablie aujourd'hui sur une voie, donc en alternat. C'est une information qui nous a été communiquée par la direction régionale des routes. Ceci étant, nous avons maintenu effectivement les rotations en hélicoptère, parce qu'il y a malgré tout, en tout cas, une incertitude qui subsiste, et nous ne voulions pas prendre de risques pour nos élèves de Saint-Philippe. Alors, les élèves qui passent le bac, ça y est, ils sont dans le bus, ils sont partis. Ils sont pris en charge, effectivement. Ouais. Très bien, très bien. Alors, évidemment, dimanche, la ville de Saint-Philippe va accueillir les Joëlettes, donc ces porteurs, ces enfants qui vont s'entraîner pour ce tour de l'île qui va durer une semaine du 10 au 17 juillet. Alors, un mot, alors tout sera bien organisé, tout ira pour ce dimanche, pour l'entraînement. Absolument, vous connaissez, on va dire, la qualité de l'accueil de Saint-Philippe, en particulier des sudistes du Sud Sauvage, et bien évidemment les choses se passeront au mieux, bien évidemment la circulation sera rétablie. Je rappelle que les travaux de sécurisation des rampes de Basse-Vallée sont en cours depuis quelques jours, voire quelques semaines maintenant, et par conséquent il y a un alternat qui avait déjà été mis en place. Donc il faudra effectivement en tenir compte. On profite de l'occasion, oui Claude, on profite de l'occasion pour vous remercier comme tous les maires de toutes les autres communes, puisque vous participez pleinement à cette action. Voilà, donc on sera chez vous à 7h moins le quart à Saint-Philippe. Peut-être que Patrick, le président, a un petit mot à dire également à la commune de Saint-Philippe. Patrick Lefebvre, le maire de Saint-Philippe est avec nous. Oui, dès qu'on a eu les premiers contacts avec la commune de Saint-Philippe, on a senti vraiment un enthousiasme et une ferveur qui nous a fait plaisir. Ça nous a vraiment touchés parce qu'on a bien ressenti que cette volonté justement de nous accueillir, d'accueillir les porteurs, les personnes handicapées, c'était vraiment très très très impressionnant comme accueil. Il y a une particularité pour Saint-Philippe, c'est Jimmy qui va le dire. Je voulais dire un grand merci au maire de Saint-Philippe. Parce que de pouvoir nous accueillir comme vous allez le faire. Parce que nous, les personnes à mobilité réduite, sans des trucs comme ça, on ne peut pas avoir notre île. Merci à vous de vous mobiliser. Et moi, je vais participer en fauteuil. D'accord. Et j'appelle aux gens pour venir nous aider. Qu'ils soient, ceux qui ne seront pas sur la Jolette pourront venir pour aider, pousser les personnes en fauteuil. On dit en fauteuil puisqu'il y a une portion de route qui peut être faite en fauteuil. Et donc, il va laisser la place en Joëlette à des personnes de Saint-Philippe et de Sainte-Rose. On remercie également la commune de Sainte-Rose qui nous accueille à la fin pour le ravitaillement de fin de journée. Mais en effet, la particularité, c'est que les fauteuils roulants pourront faire un petit bout avec les Joëlettes. N'est-ce pas, Patrick ? Oui, tout à fait. Étant donné que la demande en personne, des personnes portées pour venir sur la Joëlette est parfois trop importante pour nos faibles moyens, parce que pour l'instant, nous n'avons que deux Joëlettes, on a proposé, à l'image de ce qui se fait pour la course du haut à Étang-Salé, de pousser des personnes en fauteuil roulant. Et ça doit être tout à fait faisable, il n'y a aucun souci là-dessus. La route est bien bitumée, il n'y a aucun souci là-dessus. Oui. Olivier Rivière, maire de Saint-Philippe, avant de vous laisser, que pensez-vous de cette action ? Ah ben écoutez, c'est une action qui est, à mon sens, nécessaire. Et bien évidemment, ils auront tout le soutien de la commune de Saint-Philippe dans ce qu'ils mèneront aujourd'hui, mais aussi demain. Et j'aurai plaisir, effectivement, à les accueillir ce dimanche matin, puisque le rendez-vous a été lancé pour 7h15. Si mes souvenirs sont bons. Merci. Moins le quart. Olivier Rivière, maire de Saint-Philippe, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur la première. Merci à vous. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Yves, vous êtes dans les rampes de Basse-Vallée. Oui, je suis dans les rampes avec la circulation qui se fait par le tunnel et des coupures. Hein, donc les cordistes sont sur la falaise en ce moment, dans la végétation. Donc en fait, l'éboulement qui s'est produit hier soir en deux phases. Mais il y a des petits cailloux qui tombent déjà depuis 2-3 jours. C'est vrai que la falaise a été très très arrosée cette année, quelque chose de terrible. Et c'est à l'endroit où il y avait déjà une chaussée rétrécie. On avait neutralisé la voie de droite avec des blocs de la chaîne. Vous savez que la chaîne transposable, elle sert on amène des blocs béton un peu partout pour protéger les bas de falaise et les talus à certains endroits. Et justement, donc exactement ici au kilomètre 103-150, eh bien il y avait déjà eu cet éboulement le 31 décembre. Donc c'est exactement à ce niveau que des gros blocs sont tombés. Donc là, on passe sur une voie, donc exactement comme avant, sauf que ces blocs, ils impressionnent les automobilistes forcément, et donc des travaux vont se dérouler toute la journée, donc à la fois purge, dégagement. Pour le moment, on n'est pas encore certain d'ouvrir la circulation ce soir. Il y aura peut-être une fermeture préventive, sachant que ce chantier qui vient de commencer, donc pour ces travaux de purge, dévégétalisation dans un premier temps, mais c'est plutôt du repérage. Ces gros travaux sont prévus pour les 6 prochains mois, donc jusqu'à la fin de l'année, faut-il le rappeler, avec des coupures de circulation régulières. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc pour le moment, là, il y a un convoi qui est en train de passer dans le sens Saint-Philippe vers Saint-Joseph. Et puis, on vous fait passer, c'est aléatoire, donc faut être patient si vous devez circuler. En tout cas, les candidats au bac, eux, ont pu passer ce matin par hélicoptère. Pas trop de changements pour le réseau routier depuis tout à l'heure. Le bus est arrêté à la Grande Chaloupe, donc avec son problème de boîte. Et puis, des ralentissements vraiment en abordant Saint-Denis à l'extrémité de la route du littoral. Encore un peu de monde sur la partie haute du viaduc du Bernica, en direction de l'ouest, direction du nord, plus en provenance de l'ouest. Très bonne route avec la première et patience ici à Basse-Vallée. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, Drive Cool. Du 10 au 17 juillet, plusieurs porteurs vont se relayer pour faire découvrir l'île de la Réunion à des enfants et à des adultes en situation de handicap. C'est le sujet de votre Allo Première de ce mercredi. 8h, 10h. Allo Première, Claude Montané. Petit témoignage de Nadia de Saint-Pierre. Bonjour Nadia. Bonjour. Voilà, j'appelle, c'est Jimmy. Il me semble que je l'avais vu à Saint-Pierre, Grand-Anse, lors d'un pique-nique. Mais il me semble que c'était pas avec cette association-là. C'était avec l'association RHM de Gilles du BC, je crois. Jimmy Nayagum, vice-président de l'association Réunion Aventure Joëlette. Oui, je confirme, oui. C'est... mais c'est une page... Je crois qu'il était la mascotte de RHM. Voilà, mais c'est une page qui est tournée. Pour moi, personnellement, c'est une page qui est tournée. J'ai eu de beaux souvenirs, mais pas de très bons souvenirs aussi de cette association. Mais les gens vous connaissent, les gens vous connaissent, les gens vous adorent, vous êtes... C'est une association qui était vivante, qui bougeait. Oui. Alors, Nadia, que pensez-vous alors de ce tour de l'île, s'il vous plaît, votre sentiment? Je pense que c'est une bonne idée. C'est bien pour les personnes à mobilité réduite. Mais il faudrait qu'il y ait d'autres associations qui s'associent à cette association-là que Jimmy parle. Ouais. Alors, il y a plusieurs associations qui collaborent, qui contribuent aussi à ce tour de l'île. Moi, j'ai Freddy qui nous dit que l'action est très bien, mais il faut le faire, il faut la faire plus souvent. Alors, c'est un premier événement. Nous, on aide cette association par la communication qu'on fait aujourd'hui déjà avec ton émission, Claude. Mais c'est vrai que cette première manifestation, si ça se passe bien, elle en appellera d'autres probablement. C'est bien ce que Nadia dit. En effet, l'appel aux associations est lancé. Il y en a pas mal. Moi, je parle de la première portion qu'on a fait sur Saint-Denis comme entraînement de la Redoute, à la Ravine à Malheur. Nous avions pas moins de 12 personnes handicapées qui ont participé, que ce soit en marchant avec les porteurs et les accompagnants, que ce soit porté par la Joëlette. Chelsea et Jenny en ont fait partie. Mais l'adhésion de au moins une bonne dizaine d'associations, comme Olympique Montagne, c'est le club de foot, le club de hand, ESC, c'est environnement, sport et culture, ceux qui organisent le Raid 8-8, Association Lumière en Action, des groupes musicaux comme Résonance Créole. Il y a eu toute l'adhésion des associations de quartier. Et c'est ce qui va se passer dans toutes les communes de l'île. Par exemple, du côté de Saint-Benoît, il y a l'association Handisport Saint-Benoît qui va rejoindre le groupe. Il y aura des associations du côté de Saint-Philippe, du côté de Sainte-Rose, du côté du Port. Bref, toutes les associations sont invitées à participer. Et nous, à Réunion Première, notre objectif, c'est de mettre en avant cette solidarité, que ce soit au niveau de la rédaction télé, de la radio, et également sur les réseaux sociaux. Alors, Patrick Lefebvre, vous êtes le président de l'association Réunion, Aventure Joëlette. Comment devenir porteur pour ce tour de l'île? Parce que là aussi, on a pas mal de réactions par SMS. Les gens sont vraiment touchés par cette action et se posent la question suivante. Mais alors, comment faire pour devenir porteur? Alors, pour devenir porteur, c'est tout simple. Si on veut participer, ne serait-ce que sur une portion d'étape ou sur une étape complète, il suffit de télécharger le bulletin de participation en le demandant sur l'adresse suivante, as.rage974@gmail.com ou sur la page Facebook, tout simplement, de Réunion Aventure Joëlette. À partir de là, on peut faire, comme je vous le disais à l'instant, quelques kilomètres, ou une étape, ou deux étapes. Il n'y a pas d'engagement, c'est juste pour voir comment ça se passe, et puis ensuite pérenniser, si on désire continuer en tant que porteur. Alors, Patrick Lefebvre, alors c'est aussi important de le dire, c'est qu'aujourd'hui, vous ne disposez que de deux Joëlettes, hein? Pour l'instant, nous ne disposons que de deux Joëlettes. Il arrive parfois qu'on puisse en emprunter, par exemple, à l'association Notre Toute dans le Sentier, qui nous rend parfois service. Et puis là, on espère, par le biais de généreux sponsors, d'en acquérir une troisième, voire une quatrième avant la fin de l'année, de toute façon. Alors, ces Joëlettes sont montées, fabriquées en métropole, et non pas ici, sur le département? En métropole, ouais, c'est à Saint-Étienne que ça se passe. Et c'est vrai que pour faire, pour acquérir une joëlette, entre l'achat de la joëlette, les taxes douanières et puis le transport, ça nous coûte environ 4 300 € à chaque fois. Ouais, ce n'est pas donné. Alors, Jimmy Nayagom, et puis alors, je compte beaucoup sur Chelsea et Jenny pour nous dire votre sentiment, s'il vous plaît, les filles. On se lâche, on se libère, on est à la radio. Quel est le sentiment qu'on a quand on est transporté comme ça, quand on est porté avec une joëlette, là? Quand on est porté, moi, quel sentiment vous avez? Bah, personnellement, moi, j'ai le cœur gros et pourquoi vous avez le cœur gros, Jimmy Nayagom? Parce que quand on voit que ces gens laissent leur famille et leurs enfants à la maison, hein, des fois, pour nous pouvoir voir notre île, et la plupart du temps pour aussi pouvoir réaliser nos rêves. Et vous allez nous faire pleurer. On est ému. Jimmy, c'était pas le but de l'émission pour nous faire pleurer ce matin, quand même. Oui, mais je me demande le ressenti. Donc oui. Voilà. Vous avez des yeux qui brillent, vous avez presque des larmes aux yeux, et là, vous allez m'en donner aussi. Et il y a le sourire oui. des deux oui, filles. Oui, Chelsea et Jenny. Oui. Alors, donnez-nous votre sentiment. On se sent comment quand on est transporté comme ça, quand on est porté, Jenny? Ben. C'est bien ou c'est pas bien? C'est bien. Ouais. C'est plus que bien quand même. Oui, Chelsea. C'est bien aussi. Ouais. Et je découvre la Réunion autrement. Ouais. Voilà. Alors parfois ça bouge dans tous les sens, non? Ouais, des vous fois ça vous fait êtes, vous êtes bien attachés? Oui. Des fois quoi? Des fois ça fait peur. C'est vrai? D'accord. Oui, parce que quand il y a des... Quand on passe dans des sentiers. Dans des sentiers, oui. Ben, quand il y a des marches. Ouais, comme des escaliers. Voilà, comme ouais, des escaliers. Des fois, ça glisse et des fois. Ouh là là. Voilà, on tombe pas en avant. Bah, bien sûr que vous ne tombez pas parce que vous êtes en sécurité quand même. Oui, elles sont attachées. Vous êtes encadrées. Et puis, il y a les porteurs. Ouais. Voilà. Alors, est-ce qu'ils sont gentils, les porteurs, Chelsea? Oui. Ils font des blagues, c'est vrai? Oui. Quelle sorte de blagues? Il y a une chanson aussi. Oui. Alors, tu connais la chanson? Bof, tout seul. Alors? Quelle est cette chanson? Tu connais. Elle va chercher. Patrick Lefebvre, vous insistez vraiment sur la sécurité, hein? Ah, la sécurité, c'est ce qu'il y a de primordial. Hein. De toute façon, nous, ce qu'on dit toujours, c'est qu'un porteur peut tomber et la joëlette ne tombera jamais. Ça, c'est impossible. Ça. Mmh. Impossible. Alors, c'est combien de personnes autour de cette joëlette? Combien de personnes portent la joëlette? Alors, sur une joëlette, en général, une personne devant, une personne derrière et une personne de chaque côté pour sécuriser. Puisque vous parlez du nombre de personnes, je voudrais attirer l'attention sur tout le tour de l'île, il y aura quand même au moins 100 personnes qui pourront profiter de la joëlette, 100 personnes à mobilité réduite. Mais pour revenir à la sécurité, oui, 4 personnes. Maintenant, quand on est en montagne, ça peut aller jusqu'à une dizaine de personnes qui s'occupent de la joëlette en même temps. Oui, surtout quand on traverse des endroits, on va dire, avec des obstacles, risque, ouais. Hein, ouais. Genre escaliers, ravines, rivières, ouais. Rochers, oui. Et là, ouais, il y a toute une organisation qui se met en place, ouais. Quelqu'un qui prévient de l'obstacle, l'avant, il y a une chaîne humaine qui se forme, hein, quand on est dans la montée, il y a tous ceux qui sont devant se donnent la main et tirent le porteur ouais. qui tient la joëlette, et tous ceux qui sont derrière pousse la joëlette. Et il y a bien, quand je dis pousse, c'est une énergie collective. C'est-à-dire, même ceux qui ne portent pas sont là à pousser. C'est-à-dire, avec leur présence, avec leurs petits mots, avec les blagues parfois. Et c'est vrai que c'est une chaîne humaine, c'est une chaîne de solidarité qu'on voit à travers cette aventure. Et puis alors, la devise, Patrick Lefebvre, c'est vraiment tout seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Oui. Ben voilà, c'est pour. Ça résume tout en fait, parce que quand on est tous ensemble, ben c'est vrai qu'on sent pas la douleur, on peut aller loin, on peut marcher une journée, deux journées. Là, ça sera toute une semaine qu'on va marcher. Voilà. Et puis, de nombreuses réactions pour nous dire, mais comment faire pour contribuer à l'action et surtout par rapport à ce monde parfois un peu égoïste, nous disent aussi les auditeurs. Ouais. Alors, je pense que dans un premier temps, la communication, comme on fait ce matin, c'est très bien. La deuxième chose, c'est le numéro du président. On va le dire en direct, monsieur le président, Patrick Lefebvre, 06 92 61 54 21. 61 54 21. Il a donné l'adresse email tout à l'heure. Vous tapez tout simplement Réunion Aventure Joëlette sur Internet et vous aurez toutes les informations avec le téléphone de monsieur Lefebvre. Je pense que tout y est. Après, comment participer, comment donner un petit peu de soi-même. Nous ici, rien qu'à Réunion Première, nous avons trois participants déjà. Il y a madame Deran Liliane, si elle m'entend, et puis monsieur Axel Mainfroy et moi-même. Donc on est trois. Donc les entreprises peuvent se mobiliser, les associations peuvent se mobiliser, les familles autour des personnes portées se mobilisent. Et si on a envie de le faire, eh bien il faut pas hésiter. Il faut contacter la commune ou le CCAS de la commune, parce que souvent nous étions en contact, même nous hein, au niveau de Réunion Première, en contact avec le CCAS pour avoir les personnes handicapées qui veulent bien participer. Je redonne le numéro de téléphone 06 92 615 421. Patrick Lefebvre, président de l'association Réunion Aventure Joëlette, Jimmy Nayagom qui en est le vice-président, Chelsea et Jenny, les enfants qui étaient avec nous ce matin, merci beaucoup. Brigitte Waraud, référente handicap à Réunion Première. Rendez-vous le 10 juillet à 7h moins le quart à la Redoute. Nous y reviendrons, merci beaucoup, à très bientôt sur la Première. Vos trajets en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Le dernier entraînement, c'est ce dimanche, donc à Saint-Philippe. Yves, vous êtes dans les rampes de Basse-Vallée avec des purges qui sont en cours. Oui, alors il y a des cordistes qui viennent de démarrer, mais on a pu passer. Là, je viens de pouvoir passer parce que j'étais bloqué, ils avaient commencé. Et puis finalement, ils font passer. Alors les voitures avancent vraiment une par une hein, donc pour passer sous la falaise. Donc au lieu dit de l'éboulement. Donc ce sera comme ça compliqué quand même toute la journée. Soyez patients, bien entendu, dans un sens comme dans l'autre. Hein. Donc, pour toute la journée, de toute façon, ces travaux vont durer dans le temps. Hein. Donc, il y a 6 mois, elle a le temps de préparer tout cela. Donc, on attend des nouvelles pour savoir comment ça va se passer pour la journée, pour savoir si ce soir on ferme la circulation ou pas par mesure préventive. En ce qui concerne le trafic, ça se passe plutôt correctement. Ailleurs, je rappelle qu'il y a d'autres purges hein, qui se font en ce moment sur la route de Sillaos, notamment au niveau des rampes des sables avec des coupures de 3/4 d'heure jusqu'à 16h30 cet après-midi. Ralentissement sur le viaduc en haut de la tranchée et puis également à l'entrée ouest plutôt correct. Donc pour arriver sur Saint-Denis, bonne route et soyez patients toute la journée. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Après le journal de France Info, nous serons en compagnie des expertes de la caisse d'allocation familiale et au sommaire de ce rendez-vous, le contrôle des allocataires. Les questions 02 62 99 2000 par SMS au 06 92 608 335. Nous serons en compagnie donc de Lydiane Posé et Odile Damour. Toutes les questions jusqu'à 10h, 02 62 99 2000. Sur la Première, le journal de France Info. Il était 7h01 sur France Info. Jean-Christophe Martin, bonjour. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Un ultime débat avant un vote historique. Les pros et les anti-Brexit se sont affrontés une dernière fois hier soir à la télé britannique avant le référendum demain. On voit ça à Londres dans un instant. À la veille de la nouvelle mobilisation contre la loi travail, toujours l'incertitude ce matin sur le scénario. Défilé ou rassemblement, le point dans le journal. Également dans l'actualité, la suite du procès de Fabienne Cabou à Saint-Omer, cette mère qui avait abandonné sa fille sur une plage. Et dans l'Euro de football, la surprise est venue de la Croatie hier soir qui bat l'Espagne. Il y aura du coup un choc Italie-Espagne dès les 8e de finale. Récit d'une belle soirée de football dans quelques minutes. France. France Info. Et nous sommes donc à la veille du fameux référendum sur l'Europe au Royaume-Uni. La dernière ligne droite pour les pros et les anti-Brexit qui cherchent toujours à convaincre les indécis. Les derniers sondages donnent une très courte avance de 51% en Remain, le maintien dans l'Union européenne. Et un ultime débat était donc organisé par la BBC devant 6000 personnes. C'était à Londres hier soir. Un débat à l'image d'une campagne souvent tendue. Un débat suivi à Londres pour France Info par Franck Mathevon. Ils sont 6 sur scène, mais l'ancien et l'actuel maire de Londres prennent beaucoup d'espace. Nous avons assez entendu le projet de la peur, lance Boris Johnson, son slogan favori pour dénoncer l'alarmisme du camp du IN en cas de Brexit. Votre campagne, ce n'est pas le projet de la peur, lui répond Sadiq Khan, c'est le projet de la haine sur l'immigration. Allusion aux nombreux messages anti-immigration qui ont dopé le vote eurosceptique ces dernières semaines. Khan brandit un tract pro-Brexit, laissant croire que la Turquie va bientôt rejoindre l'UE. C'est faux, Boris, vous devriez avoir honte. À ses côtés, la chef des conservateurs écossais, Ruth Davidson, pro-UE, très offensive, répète que le camp du Leave n'a pas de plan. Sur la sécurité, par exemple, vous méritez la vérité, dit-elle aux électeurs. Les deux camps recueillent des applaudissements, mais après tirage au sort, le mot de la fin sera pour Boris Johnson. Si nous votons Leave, je pense que ce jeudi sera notre jour d'indépendance. Londres, Franck Mathevon, France Info. France Info. 7h03, nouveau rendez-vous demain pour les opposants à la loi travail, mais toujours une grande incertitude. Avec une nouvelle mobilisation nationale et à la veille de la manifestation parisienne, on ne sait toujours pas si elle sera autorisée par la préfecture. L'intersyndicale appelle à un défilé, le gouvernement souhaite un rassemblement statique, mais la préfecture n'avait toujours pas donné hier soir sa réponse aux dernières propositions des syndicats qui veulent défiler coûte que coûte. Le point de l'affaire avec Clara Lecoq-Réal. Les représentants de la CGT et de Force ouvrière en Île-de-France ont pourtant gardé toute la soirée leur téléphone portable près d'eux, guettant l'appel du préfet de police de Paris. Mais la décision qui devait tomber vers 18h est visiblement difficile à prendre. Plutôt que de rallier Bastille à Nation, l'intersyndicale propose maintenant deux trajets différents, au choix, soit entre d'Enfer-Rochereau et Place d'Italie, soit de Bastille à la Place d'Italie. Des itinéraires deux fois plus courts, avec surtout moins de commerce, moins de vitrines, et donc potentiellement moins de casse. La balle est dans le camp du gouvernement, s'agace ainsi Gabriel Gaudit, Force ouvrière, car ce n'est pas un secret, c'est bien Bernard Cazeneuve au ministère de l'Intérieur, Emmanuel Valls à Matignon, qui prennent la décision finale et qui, eux non plus, ne veulent pas lâcher, quoi qu'en dise la préfecture. Mais que le défilé soit autorisé ou non, finalement, la CGT et Force ouvrière préviennent déjà. Elles marcheront dans Paris demain. Et puis, on posera la question à Stéphane Le Foll tout à l'heure. Le porte-parole du gouvernement et l'invité politique de France Info, c'est à 7h45. Et du côté d'Air France, les syndicats de pilotes lèvent le préavis de grève qui était déposé à partir de vendredi. Décision annoncée dans la foulée d'une rencontre avec le futur président du groupe Air France KLM, Jean-Marc Janaillac. Il propose une trêve sociale jusqu'au 1er novembre en échange du gel de la baisse qui était prévue pour les salaires des pilotes. Ça bouge dans le luxe. Le Qatar s'offre une griffe française, Balmain, avec une facture à près de 500 millions d'euros. Information donnée ce matin par Les Échos, la maison Balmain qui avait frôlé la faillite en 2004, mais qui est depuis devenue l'une des plus belles success stories de la mode française. On y revient en détail tout à l'heure à 7h30 dans le prochain journal sur France Info. Et toujours au rayon vêtements, quoiqu'un peu moins luxe, c'est officiellement ce matin que débutent les soldes d'été. C'est parti pour 6 semaines de chasse aux bonnes affaires. Un moment très attendu aujourd'hui, au 3e jour du procès de Fabienne Cabou devant les assises du Pas-de-Calais à Saint-Omer. Cette femme de 39 ans est accusée d'avoir tué sa fille en novembre 2013. Elle avait laissé Adélaïde, âgée de 15 mois, sur la plage à la marée montante. Les experts, psychologues et psychiatres sont entendus à partir de cet après-midi et la question de la santé mentale de l'accusé est au cœur de ce procès. À Saint-Omer, pour France Info, Delphine Gotchaud. Qui est véritablement Fabienne Cabou? Une femme en pleine possession de ses facultés mentales lorsqu'elle dépose sa petite fille sur la plage, ou une femme qui souffre de troubles psychiatriques? 4 collèges d'experts se sont penchés sur sa personnalité. Tous concluent à une altération du discernement au moment des faits. Pour certains, pas de pathologie mentale chez Fabienne Cabou, mais pour d'autres, son passage à l'acte révèle une psychose délirante chronique. L'avocate de Fabienne Cabou, elle est formelle. Sa cliente n'est pas cet être froid et rationnel que décrit l'accusation. Maître Roy Nancion. Quand va-t-on comprendre que cette femme est dans le délire? Et même là, à cette audience, quand va-t-on comprendre que son délire, il n'est pas fini? Elle est toujours dans la machine. Quand va-t-on comprendre que cette femme que vous voyez là, c'est sans doute pas celle qui existait avant ? Elle est toujours dans le délire, j'en suis convaincue. Pour les experts, la sorcellerie évoquée par Fabienne Cabot est un mécanisme de défense, une tentative ultime de trouver un sens à son acte. Ce qui se dessine surtout au fil de l'audience, c'est une personnalité mythomane. Fabienne Cabot a inventé sa vie, elle s'est enfermée dans des mensonges auxquels elle a fini par croire, jusqu'à se retrouver acculée et ne pas trouver d'autre issue peut-être que la mort de sa fille. Saint-Omer, Delphine Gocho, France Info. Allez, l'Euro de football avec une surprise qui était croate hier. La Croatie qui a renversé la situation en fin de match pour battre finalement l'Espagne 2-1. Du coup, les Croates terminent premier de leur groupe. Très mauvaise affaire pour l'Espagne. Ça veut dire un rendez-vous avec l'Italie pour les Espagnols dès les huitièmes de finale. À Bordeaux pour France Info, Alain Gastal. Mais qu'est-il arrivé à l'Espagne ? Brillante face aux Tchèques, facile face aux Turcs. Elle semblait encore jusqu'à la mi-temps face aux Croates avoir retrouvé ce football qui a enchanté l'Europe et le monde avec peut-être un peu moins d'efficacité. Et puis tout à coup, après la pause, plus rien, comme une panne. Et les supporters de l'Aurora, peu enclins en général à critiquer ou à douter de leur équipe, commencent à se poser des questions, comme par exemple Oscar, le madrilène. L'Espagne était tranquille et sûre du résultat, et elle s'est fait surprendre parce qu'elle a trop laissé attaquer la Croatie. Le problème, c'est l'excès de confiance. On est sûr de gagner et l'adversaire vous surprend. Défaite qui n'entend pas pour autant l'optimisme d'autres comme Pedro qui voit quand même son équipe remporter l'Euro. Tous les autres championnats, on a perdu toujours un match dans les premières tournes. Et bon, finalement, on a gagné. Bon, peut-être aujourd'hui, on doit laisser Iniesta, on doit laisser quelques joueurs reposer, oui. Mais bon, ça fait rien, ils sont professionnels et je crois que pour le lundi, ils seront en forme. Et lundi à Saint-Denis, l'Espagne retrouve l'Italie en huitième de finale. Elle se retrouve aussi dans le même demi-tableau que l'Allemagne, l'Angleterre et la France. Bordeaux, Alain Gastal, France Info. Avec l'Irlande du Nord qui sera le probable adversaire de la France en huitième de finale, on sera fixé ce soir. En marge des terrains, deuxième carton rouge en quelques jours pour le supporter ultranationaliste russe Alexandre Shprygin. Après une première expulsion samedi vers la Russie, il était revenu en France, à nouveau arrêté lundi à Toulouse et à nouveau expulsé dès hier soir. Et puis Jérôme Kerviel, à la une, une fois de plus, plutôt à l'affiche et on parle de cinéma. Oui, son histoire a inspiré L'Outsider qui sort aujourd'hui, un film signé Christophe Baratier, le réalisateur des Choristes, Jean-Baptiste Urbain. Comment t'as fait pour tout dans une heure pareille ? L'Outsider, c'est l'histoire d'un jeune homme ambitieux, malin et sympathique qui, grisé par l'ivresse du haut d'une tour de la Défense, va faire gagner beaucoup d'argent à sa banque avant de lui en faire perdre beaucoup plus encore. Entrer à la Société Générale, c'est rejoindre les meilleurs parmi les meilleurs. En deux heures, le film raconte quelques années de l'ascension à la chute de Jérôme Kerviel et s'arrête quand son nom va devenir l'affaire que l'on connaît. Si Christophe Baratier ne s'attarde pas sur les rouages du métier de trader, le réalisateur en fait percevoir l'adrénaline, la violence aussi, avec ses humiliations, ses blagues potaches, son dégoût de soi également parfois. Avec un récit prenant, au rythme haletant, le film décrit un système sans conscience et un engrenage peu à peu. Kerviel, interprété par le jeune Arthur Dupont, perd tout sens des valeurs financières, mais aussi humaines. Un film à thèse, enfin, adapté du livre du trader qui a collaboré au scénario. L'Outsider dépeint un Jérôme Kerviel agissant au vu et au su de tous ce que conteste depuis toujours la Société Générale. Et comment s'expliquer que personne ne s'en soit aperçu ? Je m'en explique pas. Ouais, pour se l'expliquer, le film, c'est aujourd'hui L'Outsider. Merci beaucoup pour vos explications, Jean-Christophe Martin sur France Info. L'info revient à 10h. Un coup d'œil sur la météo. Avec ce soleil qui va briller sur l'ensemble de notre île, dans les cirques volcans, dans les plaines, et ce beau temps, nous allons le garder pour quasiment toute la journée. L'apparition de nuages ne se fera qu'en fin d'après-midi, dans la région de l'Est, et grâce à ce bon ensoleillement, la fraîcheur matinale se fera vite oublier avec des températures maximales qui retrouveront surtout des valeurs de saison. Le contrôle des allocataires est au cœur de votre émission de service Les Experts. Pour réagir, merci de composer le 02 62 99 2000. Comment se fait ce contrôle ? Que risque un allocataire qui outrepasse ses droits ? Combien de cas de fraude sont recensés sur le département ? Et pourquoi, surtout, il est bien important de remplir sa déclaration de ressources ? Et puis, d'autres questions aux expertes de la caisse d'allocation familiale. Un seul numéro de téléphone, 02 62 99 2000. Les questions par SMS aussi au 06 92 608 335. Les experts de Réunion Première, 0262 99 2000. Réunion Première. Jean-Marie Barré sur la Première. Padeyaz aden l'état, nena cosmo y met l'ambiance. Kadjereba nek son guitare, ala pou dévi toute son conscience, pou dévi toute son conscience. Moi la passe la rivolte, m'a tout décalé en monde, zola di a moi astéa, ni savant en Angleterre, zoti savant en Angleterre. Ma di grâce à Ken son ban, et tata prête à moi ton ti. Ma l'école la sape la ban, à la nuit des bagues la rime malatique, qui des bagues la rime malatique. Moi la passe la rivolte, m'la tout des canards montés, zola di a moi astéa, ni savant en Angleterre, zoti savant en Angleterre. Ça pose au rôle à battre la science. Aniwayo, aniwaya. Mon bec est clé, nanana, patience. Abe, pour akouto kaloubadia. Pour akouto kaloubadia. Moi, la passe la rivolte. M'la tout décalé en mandaire. Zola di a moi, astéa. Ni savant en Angleterre. Zoti savant en Angleterre. Yo Singapour, Singapour, na toi salas dan salazi. Mon monzou abat pas tambour. Anana malaise dan Malaisie, Malaisie dan Malaisie. Moi la basse la rivolte, m'la tout décalé en montée. Zola di a moi astéa, ni savant en Angleterre. Zola di savant en Angleterre. Tous les ans, douze m'adorais. Devant la mona pour l'offion. Jodi ou la fin mort pauvre. A nous les tous elles dans le réveillon. Nous les tous elles dans le réveillon. Moi la passe la rivolte. M'a tout décalé en montée. Zola di a moi astéa. Ni savant en Angleterre. Zodi savant en Angleterre. Moi la passe la rivolte, m'la tout décalé en montée. Zola di a moi astéa, ni savant en Angleterre. Zoti savant en Angleterre. Tu es m'adoré, avec ton banjo, oui, mi sans la pluie dans le dos. A tu es très tam, comme sans guitare, la main à moins grand bazar. A tu es m'adoré, sans ton diable sapou, mi sans pile à des faisceaux. Pauvre très tam, comme il tombe ta, pour l'inaver un grand cabas. A tu es m'adoré là-bas, la case d'allô. Moi la pouffe mon zako. A joué traitant, si un beau trottoir, sans mouler tambour mal au bas. Toi m'adoré là, mon cœur est gros. La casse la dit qui coule trop. Gabier traitant la dit, tiens bon en bas. Comme un marron, un roi d'en bas. En souvenant à bout en joie. Comme un marron, un roi d'en bas. En souvenant à bout en joie, comme un marron, un roi d'en pas. Doré en ville avec l'hommage à Henri Madoré, signé à l'instant Jean-Marie Barré. Les expertes de la caisse d'allocation familiale sont sur la première jusqu'à 10h. Les questions au 02 62 99 2000. Première 10h midi. Vous êtes chez vous. Lionel Olivier. Vous aurez en tout cas tout à loisir de passer vos petites annonces à partir de 10h40. Nous allons la cour. Bonjour, bonjour, comment ça va? 10h midi. Radio Novella, le cinéma, les bons plans, Song Story, la matinée ensemble. C'est encore mieux en première. Avec la première. Première. Les experts de Réunion Première, 0262 99 2000. Réunion Première. L'occasion pour vous de poser toutes les questions aux expertes de la Caisse d'allocation familiale. Nous accueillons ce matin Liliane Posé, directrice de la communication. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Laura Mussard, qui est aussi présente, responsable de service aux prestations familiales. Bonjour. Bonjour. Merci aussi d'être présente pour répondre aux questions des auditeurs au 02 62 99 2000. Liliane Posé, le contrôle des allocataires. Alors, comment se fait ce contrôle, s'il vous plaît? Eh bien, d'abord, avant de dire comment on se fait son contrôle, je voudrais quand même rappeler pourquoi on le fait, ce contrôle. Hein. On a beaucoup parlé, notamment sur les ondes de Radio Première, des simplifications des démarches auprès de la Caisse d'allocation familiale pour faciliter l'accès des allocataires à leurs droits. Avec la prime d'activité, on en a parlé aussi, on a franchi un pas avec la dématérialisation, puisque la prestation est entièrement dématérialisée. Tout se fait en ligne sur la base des déclarations des allocataires. Alors, on a aussi beaucoup parlé, et on revient souvent là-dessus, sur la nécessité de déclarer à la Caisse d'allocation familiale à temps tous les changements de situation, que ces changements soient des changements de situation familiale, professionnelle, c'est-à-dire un enfant, qui part du foyer, un enfant qui revient. Tout ça, il faut le dire. Tout ça, il faut le dire à la Caisse d'allocation familiale parce que cela influence les droits, hein, en plus ou en moins, en fonction de la situation, bien évidemment. Alors, la contrepartie de toute cette simplification et de toute cette dématérialisation des formalités auprès de la CAF est quand même l'intensification de notre politique de contrôle de nos allocataires. Tout ceci pourquoi ? Pour garantir la bonne gestion par nos services des fonds publics, puisque ce sont des fonds publics que l'on gère, et d'autre part pour garantir l'équité entre les allocataires, puisque les allocataires doivent percevoir leurs droits et leurs justes droits. Des droits, des devoirs aussi. Des droits, des devoirs. Et d'ailleurs, la loi rend obligatoire le contrôle des situations des allocataires. Laura Mussard, vous êtes responsable de service aux prestations familiales. Ce contrôle, vous prévenez l'allocataire que vous allez passer ? Alors, nous avons deux solutions. Ou nous prévenons l'allocataire, et là c'est un rendez-vous, ou le contrôle peut aussi être inopiné. D'accord. Donc le contrôleur, il va définir en fonction de ce qu'il a à faire. Si à un moment donné, le contrôle est plus approprié de le faire de manière inopinée ou effectivement de fixer un rendez-vous. Alors, que risque un allocataire, Liliane Posé, qui outrepasse un petit peu ses droits ? Alors, qui ne fait pas sa déclaration correctement, etc. Que risque l'allocataire ? Un allocataire qui ne déclare pas correctement ses droits risque d'abord une révision de ses droits. On va réviser les droits et on va déterminer si, du fait de la nouvelle situation, il peut bénéficier d'un rappel de prestation, parce que ça peut être le cas, d'un rappel de prestation ou d'un indu. D'une révision pour avec détection d'un indu. Lorsqu'il y a des prestations indûment versées, donc nous allons demander le remboursement de ces sommes indues. Donc nous allons récupérer auprès de l'allocataire et sur ses droits à venir les montants que nous avons versés à tort. Voilà, ça c'est la première étape, remboursement des prestations indues. Deuxième étape, on va s'attacher à vérifier s'il s'agit d'une intention vraiment frauduleuse, d'une intention de l'allocataire de faire une fausse déclaration ou de frauder auprès de la caisse d'allocation familiale. Ça arrive. Combien de cas de fraude, par exemple, recensés sur l'année ? Nous avons une commission administrative fraude qui va vérifier tous ces dossiers qui ont été, dans un premier temps, qualifiés avec une intention mauvaise ou fausse déclaration. Pour vous donner une idée, la commission administrative fraude a examiné un millier de dossiers en 2015. Un millier de dossiers avec des décisions qui ont été prises. Ainsi, nous avons déposé 128 plaintes devant les tribunaux quand même, parce qu'il y avait vraiment l'intention frauduleuse derrière. Les dossiers ont été qualifiés de frauduleux. Nous avons formulé 450 avertissements aux familles puisque nous pouvons aussi faire un rappel aux familles des règles en matière de prestations et de ce qu'ils encourent comme sanctions en cas de fausse déclaration. Et nous avons décidé de d'environ 500 pénalités administratives. C'est-à-dire, lorsqu'il n'y a pas forcément volonté de frauder au niveau de la caisse d'allocation familiale, mais qu'il y a un certain nombre d'indices qui nous montrent que c'est à la limite, et que la fausse déclaration, elle ne s'est pas faite une seule fois, mais qu'il y a eu récidive, par exemple, eh bien, on est autorisé de par la loi à mettre des sanctions, Vous êtes autorisé par la loi à formuler, à mettre des amendes aux allocataires. C'est une infraction à la loi et ce sont des amendes que l'on porte, qui peuvent aller de 300 euros à 12 000 euros. Ça peut atteindre les 12 000 euros quand il y a vraiment de la fraude caractérisée, qualifiée, avec des montants très importants. Les expertes de la Caisse d'allocation familiale sont avec nous jusqu'à 10 heures sur la première. Liliane Posé, Laura Mussard, les questions par SMS au 06 92 608 335. 8 heures, 10 heures. Allô première, Claude Montanet. Avant d'avoir Jeannot de la Montagne, Marie-Jeanne de la Rivière des Galets. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre question, s'il vous plaît. Comme mon concubin, il était travail. Il a été licencié en février. Oui. Mais maintenant, il doit payer ses assédics. Est-ce que moi, on aura droit au RSA? Je ne connais pas, moi, une aide, alors. Est-ce que vous avez droit à une aide, c'est ça? Oui. Laura Mussard. Bonjour madame. Bonjour. Alors la perte d'un emploi doit être déclarée à la CAF. Donc vous faites votre déclaration et à ce moment-là, en fonction des droits que vous avez déjà, donc on réétudiera votre dossier et effectivement on va étudier votre potentiel droit au RSA. Oui. D'accord. Donc mais il faut faire votre démarche. Vous devez déclarer votre changement de situation professionnelle à la CAF et rapidement. Non, c'était mon concubin qui travaille, pas moi. Oui, mais vous êtes dans un foyer, donc vous êtes en situation de couple. Donc tout événement qui va impacter votre situation au niveau de votre foyer, que ce soit vous, un enfant ou votre conjoint, vous devez le déclarer et on va étudier les droits pour le foyer. Mais donc, il faut aller à la CAF une demande alors. Vous pouvez le faire aussi, vous pouvez déjà faire votre déclaration au niveau de CAF.fr. D'accord, sur Internet. Ben, mon mari pour Internet. Ah oui, alors ça arrive aussi. À ce moment-là, vous pouvez vous déplacer, effectivement, ou par courrier, où nous avons aussi une plateforme téléphonique. Donc, vous avez plusieurs moyens pour déclarer ce changement de situation à la CAF. Oui. Comme il vient à la CAF, quel document il faut mieux amener? Alors, si monsieur a perdu son emploi et qu'il a déjà fait ses démarches auprès du Pôle emploi, vous pouvez revenir avec sa fin de contrat ou son inscription. En tout cas, vous munir de son numéro au Pôle emploi. Oui. Et à ce moment-là, vous aurez des documents à compléter et on prendra en compte ce changement. Oui, d'accord. C'est bon, Marie-Jeanne? Oui, merci. Merci. Allez, bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Nous sommes sur la montagne, dans le secteur de la montagne, avec Jeannot au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Alors, une petite question pour les deux personnes présentes. Bénédant. Et en fait, j'aimerais savoir comment ça se fait que ma femme envoie les documents, on a juste 2 mois. Oui. D'accord, de congé de maternité. Oui. Alors, moi, ces documents, là, tout le monde papier, tout a bien envoyé, tout le monde papier est bien passé, tout. Elle finit 3-4 fois là-bas, avec un enfant bas âge. Et elle prend des rendez-vous tout le temps. Elle a fini d'envoyer sur Internet, fini de téléphoner, tout. Elle a toujours un problème pour ce monde papier. Et là, ce matin encore, là, la même pas la zotte, elle est là-bas encore, là. Donc, comment ça se fait que ce problème-là n'a pas une possibilité de résoudre, que ce soit par Internet, que ce soit par téléphone, et même si elle est sur place présent, sachant que la somme d'argent qu'elle doit recevoir là, sera repoussée encore sur le mois prochain. Tous les documents sont fournis. Toutes les bons, toutes l'impeccable. D'accord. Liliane Posé. Moi, ce qu'il y a à moi, c'est question que, pour moi, il dérange pas mal que les mots descendent. Mais au moins, les choses soient faites correctement. Jeannot, restez avec nous, s'il vous plaît. Liliane Posé, pour répondre à Jeannot qui a l'impression que tous les documents sont là, Mais malheureusement, oui, le dossier a l'air d'être incomplet à chaque fois. Oui, on peut comprendre l'insatisfaction des allocataires par rapport à la complexité de certaines situations. Il est vrai que pour certaines prestations, hein, pour le service et le traitement de certaines prestations, on est obligé de vérifier beaucoup d'éléments hein, de la situation de l'allocataire. Et c'est vrai que cela peut être long. Et on a peut-être parfois l'impression qu'on demande beaucoup de pièces aux allocataires. Alors, peut-être aussi que parfois, le document qui est fourni par l'allocataire, une première fois, ne correspond pas tout à fait à ce qui est attendu. Peut-être qu'un certain nombre d'éléments dont nous avons besoin, nous, ne figurent pas sur la pièce justificative qui a été donnée. D'où, effectivement, parfois, de la lenteur dans l'instruction du dossier. Mais il faut savoir que la liquidation, le traitement des dossiers au niveau de la caisse d'allocation familiale devient de plus en plus compliqué et complexe, on va dire. Hein. On a plus de 18 à 20 000 règles de droit à observer dans le traitement de l'ensemble des prestations qui nous sont confiées. Donc, il y a une forme de complexité dans le traitement de certaines prestations qui nécessite un examen approfondi et parfois, effectivement, des allocataires doivent revenir à la CAF pour ramener X pièces justificatives dont on a besoin. D'accord. Et dans le cas de Chano, alors, il faut qu'il soit encore un peu patient. Comment ça va se passer pour la suite ? Deux mois en plus. Pardon, Chano ? C'est deux mois en plus. Deux mois d'attente. Sur deux mois d'attente, oui. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est qu'il n'y aura pas de perte de droit, monsieur. Hein. S'il y a un droit aux prestations, votre femme les percevra avec un effet rétroactif. Après, elle peut faire état de l'urgence de sa situation, signaler l'urgence et demander un paiement rapide de ses droits. Jeannot ? D'accord, ben si jamais il y a un problème, par exemple, le prochain... Oui, il n'y a pas de souci. Voilà, parce que là, justement, elle est là-bas, il attend dans son appel dans 10 minutes pour voir qu'est-ce qu'il en est. D'accord. Donc, s'il y a un retour, on me rappelle tout de suite, s'il y a possibilité. D'accord. Jeannot, merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Le standard de la première, 02 62 99 2000, avant de retourner, notamment retrouver notre auditrice au téléphone. Il y a la question de cette personne qui dit « Je suis locataire avec un propriétaire privé. L'allocation logement a toujours été versée sur le compte du propriétaire. Peut-on faire une demande pour que le versement ne se fait plus sur son compte ?» Merci de la réponse. Laura Mussard. Bonjour madame, en fait vous ne pouvez pas changer ce versement direct si vous l'avez déjà contracté au début de votre entrée dans votre location et que vous avez fait le choix au niveau de la CAF. Aujourd'hui, le bailleur, effectivement, il peut signaler l'arrêt de ce versement direct sur son compte et pour un retour vers votre compte à vous. Mais normalement, le droit, une fois qu'il a été arrêté au niveau du bailleur, il est définitif. Oui. Impossible de revenir en arrière. Oui. Voilà. Rares les bailleurs qui acceptent aussi que ce soit inversé. Voilà. Marie de Saint-Paul. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour. Voilà, moi ma petite question c'est pour Madame Posé. Voilà, j'ai fait une simulation sur Internet pour la prime d'activité, mais on me dit que j'ai pas le droit. Vous n'avez pas le droit, c'est ce qu'on vous a dit. Liliane Cosset. La réponse, c'était vous n'avez pas. Alors, on vous a dit comme ça sur Internet, vous n'avez pas le droit ? Non, c'est quelqu'un qui a vu c'est pour moi. Oui. Moi, oui. Je n'ai pas Internet. Et la personne qui m'a répondu après, moi, j'avais envoyé tous les documents pour elle. Les trois mois, c'était mars, avril, mai. Elle m'avait dit, après elle m'a téléphoné, elle m'a dit que j'ai pas le droit. Qui vous a rappelé, madame ? C'est la CAF ? Non, c'est la dame qui avait fait sur Internet pour moi. D'accord. C'est une copine à moi. Ah, d'accord. Ok. Oui. D'accord. Mais quelle est votre situation, madame, si je peux me permettre de vous le demander ? Je vis seule. Oui ? Je suis propriétaire de ma maison. Oui, et vous travaillez ? Voilà. Oui, oui. Et quel est le niveau de votre rémunération ? Ben, je vais vous dire, le mois de mars, j'ai payé 1 320 €. Le mois d'avril, 1 209. Et le mois de mai, 803. Est-ce que vous avez d'autres revenus, madame, que vos revenus d'activité ? Que ça. Et vous n'avez pas d'enfants non plus, hein ? Vous m'avez dit que vous vivez seule. Bah, écoutez, refaites la simulation, parce que, à mon avis, vous devriez pouvoir, compte tenu de elle ce niveau devrait, de revenu, elle devrait percevoir, compte, en fait, c'est le net que vous percevez. C'est le net que vous percevez là, hein. Compte tenu de c'est le montant net que vous percevez comme salaire. Hein. Oui. Donc théoriquement, vous devriez avoir un différentiel. C'est possible. Refaites la simulation. Oui, ou bien je peux aller carrément à la CAF. Oui, non. Vous pouvez aller à la CAF ou demander à quelqu'un d'autre de faire la simulation pour vous dans votre entourage. Il y a pas de, souci. Oui, parce que je trouvais ça, parce que comme je travaille par chèque emploi service, c'est pas tous les mois pareil. Oui, mois, d'accord. Tous les mois, oui, je comprends. Le salaire est différent, oui. Le salaire est différent. Oui. Alors, vous avez la possibilité, madame, de refaire faire par quelqu'un donc votre demande par Internet, puisque apparemment, vous n'avez pas Internet chez vous. Soit, vous formulez la demande. C'est-à-dire que vous pouvez télécharger, soit télécharger la demande de RSA, soit faire la demande de RSA par Internet. Même si la simulation n'est pas positive, n'est pas en votre faveur, vous voyez ? De la RSA ou de la prime pour l'emploi ? La prime, excusez-moi, la prime d'activité. Hein ? Vous avez la possibilité de le faire. Oui, hein ? Parce que moi, j'avais fait le total, j'ai le papier encore là, pour les trois mois, j'avais perçu 3334 euros. Oui. Théoriquement, compte tenu des montants que vous donnez, là, vous avez un droit potentiel. Ça me semble étonnant que la simulation ne détecte pas un droit positif. Oui, donc, refaites-le. Ou alors, faites une demande papier de RSA, de prime d'activité, ou une demande via Internet de prime d'activité. Oui. Et je voulais vous poser une petite question. Oui. Par exemple, pour moi, il ne faut pas dépasser 1700 euros. C'est cela. Oui. Donc, je ne dépasse pas. Oui, tout à fait. Vous refaites la simulation, s'il vous plaît. Oui. D'accord ? Oui. Et si vous avez un souci, vous revenez vers nous. Oui. D'accord. Okay. Merci, Marie. Je vous remercie. Merci à vous. À très bientôt. Je vais saluer Dominique de Saint-Denis. Bonjour, Dominique. Bonjour. Dominique, vous restez avec nous. Ensuite, nous irons sur Sainte-Suzanne retrouver Ingrid. 02 62 99 2000 pour poser toutes les questions aux experts de la caisse d'allocation familiale. C'est ça même. Alors tu chantes comme un rossignol. Chante comme un rossignol. Alors tu chantes comme un rossignol. Singila. Youssoufa. Elle te fait chanter comme un rossignol. Chante comme un rossignol. Elle te fait chanter comme un rossignol. Chante comme un rossignol. Je viendrai chanter à ta fenêtre. Que tu penses à moi même quand tu dors. Te plumerai comme une alouette. Pour distinguer les courbes de ton corps. Et je veux que tu sois mon trésor. Te présenterai à ma maman. Je rendrai jaloux toutes mes ex que je n'ai jamais aimé aussi fort. Je ne suis pas ma parler dans le vent. Entre quatre mains, toi et moi, tu verras mes sentiments. Tu m'as ensorcelé telle une sirène. Oh, mais quel envoûtement. Je te veux rien que pour moi. Je te veux rien que pour moi. À toi je m'agrippe, agrippe, agrippe, agrippe. Tu as tout ce qu'il me faut. À toi je m'agrippe, agrippe, agrippe, agrippe. Tu es belle, tu as zéro défaut. À toi je m'agrippe, agrippe, agrippe, agrippe. Tu as tout ce qu'il me faut. T'habiller, tu es si coquette. Ton regard me donne de bons frissons. À tes côtés, je m'affole, je perds la tête. Ta voix est la plus belle des chansons. Tu ne suis pas une contrefaçon, mais bien celui qu'il te faut, moi. J'ai mis du temps à te trouver. Laisse-moi te prouver ce que je vaux, mi amour. Oh, je ne suis pas ma parler dans le vent. Entre quatre murs, toi et moi, tu verras mes sentiments. Tu m'as ensorcelé telle une sirène. Quel envoûtement. Je te veux rien que pour moi. Je te veux rien que pour moi. À toi je m'agrippe, agrippe, agrippe, agrippe. Tu as tout ce qu'il me faut. À toi je m'agrippe, agrippe, agrippe, agrippe. Tu es belle, tu as si gros défaut. À toi je m'agrippe, agrippe, agrippe, agrippe. Tu as tout ce qu'il me faut. vrai, c'est un ange. C'est vrai qu'elle t'en voûte quand elle se déhanche. C'est vrai, l'élégance se mélange à son karma. C'est vrai, c'est le genre qui présente à la maman. C'est vrai qu'elle est douce, c'est vrai qu'elle est bombée. C'est vrai quand elle bouge, j'ai vu des hommes tomber. C'est vrai qu'avec elle, tu rêves story love. Mon Dieu, mais c'est vrai qu'elle t'a rendu rossignol. Et toi, tu t'agrippes pas, grippe pas, grippe pas. Comme si avec elle, t'avais trouvé de l'or. Singila, oui, monsieur. Faut aimer avec le cœur, pas avec les yeux. À toi je m'agrippe, tu as tout ce qu'il me faut. À toi je m'agrippe, agrippe, tu es belle, tu as zéro défaut. À toi je m'agrippe, agrippe, tu as tout ce qu'il me faut. Singula Rossignol sur la première. 8h, 10h. Allô première, Claude Montanet. Dominique de Saint-Denis, vous avez une question qui concerne l'allocation logement. Exact, oui. En fait, voilà, je sais que ma situation, c'est concernant ma maman, en fait. Elle habitait gratuitement dans une maison familiale. Oui. Et cette dernière vient d'être achetée par son fils. Et mais malheureusement, le fils a pu acheter le domicile suite à un crédit qu'il doit rembourser. Et ce que j'ai cru comprendre quand elle fait la simulation, c'est que elle, si le fait qu'elle loue à son fils ici, parce qu'il doit mettre la maison en location pour pouvoir essayer de s'en sortir avec les échéanciers de son emprunt. D'accord. Et en faisant la simulation sur internet, on lui dit comme c'est quand il y a un lien de parenté, elle n'a pas droit à l'allocation de logement. Je voulais savoir s'il n'y avait vraiment aucune solution. Dominique, donc, qui a posé une question bien précise. Laura Mussard, vous êtes responsable de service aux prestations familiales. Alors, effectivement, on ne peut pas faire une demande d'allocation logement à la caisse d'allocation familiale s'il y a un lien de parenté ascendant-descendant. Donc, la demande, effectivement, vous allez, quand vous faites la simulation, on vous dira que vous n'avez pas droit. Donc, c'est pas possible. Dans ce cas-là, c'est-à-dire, c'est vrai que c'est quand même un petit peu embêtant du fait que une maison, elle a habité, presque toujours habité, et le fait que lui, il doit la mettre en location, donc elle est obligée de partir et changer de location, de maison pour pouvoir après bénéficier de la location de logement. Oui, malheureusement, la loi prévoit effectivement que la location entre ascendant, descendant, n'est pas prise en compte pour le droit à la location de logement. D'accord. Ok. Bon, voilà. C'était ma question. Merci beaucoup. Je vous sens un peu déçu. Hein. C'est vrai que c'est pas évident quand elle a toujours habité là, mais que lui, il n'a pas le choix de d'essayer de rentrer. Bon, il a réussi à acheter la maison familiale pour faire rester dans la famille et que finalement, après, elle est obligée de partir parce que s'il faut qu'il mette quelqu'un, donc c'est vraiment dommage de ne pas trouver une solution pour la suite, quoi. Et recommencer à zéro dans un logement, donc c'est vrai que c'est pas évident. Merci Dominique pour la réaction. Merci à vous, à très bientôt. Merci à bientôt. Direction Le Standard. Alors nous avons Ingrid au téléphone. Vous appelez de Sainte-Suzanne. Bonjour Ingrid. Ah oui, bonjour. Bonjour. En fait, moi je vous appelle. J'ai déposé une demande de congé parental. J'ai pris mes dispositions depuis un mois et demi. Et à ce jour, je vois que mon dossier est en attente car il manque des pièces. Alors que je me suis assurée que le dossier est complet. J'ai envoyé des mails indiquant les mêmes dates. Oui. Et malgré ça, on me dit que c'est incomplet. Je comprends pas. Oui, vous pensez, alors ça nous rappelle un peu le cas de notre auditeur de tout à l'heure, Jeannot. Vous pensez avoir donné toutes les pièces, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Pour ce montage de dossier, oui. Et alors, comme réponse, on vous fait? Que mon dossier est incomplet. Que le dossier est incomplet. Laura Mussard. Sans vous préciser, en fait, vous avez pas l'information manquante, on vous dit pas ce qui manque? On me dit de préciser mes dates de début du congé maternité. Alors que d'accord. Je suis sur l'imprimé, justement, j'ai rempli les dates de congé maternité, les congés conventionnels. D'accord. J'ai renvoyé un mail en indiquant exactement les mêmes dates et on me dit dossier incomplet. Date de début et date de fin? Parce que vous avez terminé votre congé maternité. Oui. Et le justificatif, vous l'avez fourni? Enfin, la pièce au niveau qui justifie de cette date de début et date de fin. Vous l'avez joint à votre dossier? Ah, mais on l'a pas demandé. Ah, c'est possible que ce soit ça. Autrement, vous avez bien rempli toutes les rubriques de la demande, vous avez précisé que vous ne reprenez pas votre activité. Voilà, tout à fait. Donc, j'étais en congé maternité. Oui, ensuite, oui, oui. Du congé maternité a pris fin, j'étais en congé conventionnel. Oui. Enfin, voilà. À partir du mois, ce mois-ci, en fait, j'avais demandé une demande de congé parental. Donc, oui. Je reprendrai une activité qu'au mois d'août. Et pour le congé conventionnel, effectivement, je pense qu'il faudra peut-être le fournir un justificatif, tout simplement parce que la demande de congé parental, elle peut démarrer juste après votre congé maternité. Et le congé conventionnel, il est spécifique, c'est pas tout le monde qui a droit. Donc là, pour vraiment vous payer à la bonne date, il est possible qu'il faut fournir le justificatif, par contre. Donc, est-ce que vous pouvez refaire un mail et leur préciser que vous allez fournir ce document, mais lorsque vous ferez un mail, vous aurez une réponse vraiment qui sera rédigée par un technicien. Vous lui dites bien de vous préciser quelles sont les pièces manquantes ou les informations manquantes, et la réponse, on vous l'apportera assez rapidement. D'accord, donc en fait, pour le mois de... Enfin, prestation du mois de juin qui sera vers en juillet, oui. Je n'aurai pas, en fait. Alors oui, Ingrid, ce que nous allons faire sur Réunion Première, c'est de prendre vos coordonnées. Très bien. Vous laissez avec Brandon votre numéro de téléphone et si possible votre numéro d'allocataire. Je vais transmettre toutes ces données aux expertes de la Caisse d'allocation familiale et nous allons suivre votre dossier, d'accord ? Je vous remercie. Merci à vous surtout. Merci. À très bientôt sur la Première. La question de Eric de Sainte-Suzanne, notamment comment faire pour avoir un numéro d'allocataire, Laura Mussard. Alors, est-ce que vous êtes inscrit ? Il faut savoir s'il est inscrit déjà à la CAF, oui. Non, parce que là, il veut un numéro d'allocataire, mais quelquefois c'est qu'on a déjà, mais on ne l'a plus. En fait, il faut faire pour avoir un numéro d'allocataire, il faut avoir un droit aux prestations familiales, donc il faut s'inscrire. Donc il faut que sur Internet, on n'est pas obligé d'être déjà allocataire pour effectuer des simulations. Oui. Et si effectivement il va détecter un droit potentiel à une prestation, il fait sa première inscription. Et très rapidement, on va lui donner un numéro d'allocataire qu'il recevra rapidement avec un code confidentiel. Et dès le traitement de son dossier, dès la mise à jour des informations, il pourra consulter son dossier et vérifier ses droits et paiements. Certains parfois oublient ou perdent le code. Oui, alors. C'est ça en fait. Donc c'est pour ça que si vous le perdez, sur le site de la CAF, caf.fr, il y a la rubrique qui précise « j'ai perdu mon numéro d'allocataire » ou « j'ai perdu mon code confidentiel ». Il faut cocher et vous renseignez votre adresse mail. Et dans les 8 jours, vous avez de nouveau ce code, ce numéro d'allocataire. Par contre, le code confidentiel qui est obligatoire pour accéder à son compte, il sera envoyé par courrier. Sauf si vous avez déclaré votre mail. Voilà, si vous avez déclaré votre mail. Ou un téléphone. Avec le numéro de téléphone, il aura par SMS. Voilà. Corinne Dutampon qui dit, comme je pars en métropole pour un mois, je voudrais savoir si je pourrais faire ma déclaration de ressources le 29 juillet. Donc elle est précise, elle donne la date, 29 juillet, la date à laquelle je rentre. Liliane Posé. Oui, tout à fait. Elle pourra faire par Internet sa déclaration, tout simplement, là où elle se trouve. Là où elle se trouve, elle sera en métropole. Si elle le fait par Internet, à partir du moment où sur son compte apparaîtra la demande de déclaration de ressources trimestrielles, eh bien, elle la remplit par Internet. Tout simplement. Voilà Corinne, il reste 10 minutes pour joindre Brandon au 02 62 99 2000. Les expertes de la Caisse d'allocation familiale répondent à toutes les questions et puis continuent aussi à nous en laisser par SMS au 06 92 608 335. Première. Le syndicalisme est basé sur le clientélisme. On n'a pas de leçons à recevoir de personne. Nous sommes obligés d'aller prêter allégeance à la couronne. Bon, je rejoins un peu le syndicalisme. Est-ce que ce n'est pas une forme de prise d'otage et de chantage ? L'actualité réunionnaise analysé de 12h15 à 12h45 les gens. Pendant une demi-heure au moment du déjeuner. C'est dans l'actu sur Réunion Première. Première 8h, 10h. Allô Première, Claude Montanet. Petit retour sur le contrôle des allocataires avec cette réaction de notre auditeur. Comment procédez-vous réellement au contrôle d'une déclaration ? Point d'interrogation. Ne pensez-vous pas que le contrôle devrait être plus sévère car les gens qui en ont besoin se voient refuser pour un détail tandis que d'autres personnes continuent à en bénéficier sur de fausses déclarations. Et la personne nous dit où est le juste milieu des contrôles de la caisse d'allocation familiale. Liliane Posé. Oui, en début d'émission, on a parlé effectivement justement de cette obligation de contrôle que nous avons au niveau de la caisse d'allocation familiale. Et c'est une vraie politique de contrôle qui est impulsée de toute façon par la Caisse nationale et par l'État, qui est mise en œuvre pour garantir justement, comme je le disais tout à l'heure, le paiement du juste droit et l'équité entre les allocataires. D'accord. Alors, nous avons plusieurs formes de contrôle. On a parlé du contrôle sur place tout à l'heure, le contrôleur qui va aller au domicile de l'allocataire pour vérifier la cohérence des informations que l'allocataire a données. L'allocataire est prévenu. Avec ce qu'il y a au dossier. Mais alors il est prévenu là, selon les situations, l'allocataire est prévenu ou pas. Soit l'allocataire est là quand le contrôleur passe à son domicile, oui. Et là le contrôle peut se faire tout de suite, soit l'allocataire n'est pas là et le contrôleur va avertir de son passage par un mot dans la boîte aux lettres. Hein. Puis il va fixer, il va donner ses coordonnées ou il va fixer un rendez-vous à l'allocataire. Dans d'autres situations, le contrôle peut être fait par une prise de rendez-vous à la caisse d'allocation familiale, lorsqu'il s'agit de vérifier, par exemple, un certain nombre de pièces, simplement, oui, et pas forcément la situation familiale de l'allocataire. Ça, c'est le contrôle qu'on appelle fait par des contrôleurs, le contrôle sur place. On reviendra après sur la mission du contrôleur. Oui. Après, nous avons les contrôles sur pièce, c'est-à-dire que nous avons des cibles de contrôle. On a des techniques de aujourd'hui, si vous voulez, pour détecter les situations qui paraissent les plus sensibles et les plus, on va dire, porteuses de possibilités, de potentiel de fraude. De fraude. Voilà. Donc, on détecte ces situations-là et puis on va cibler et on va faire des contrôles soit sur place, soit des contrôles sur pièces. On va réclamer aux allocataires un certain nombre de pièces complémentaires pour vérifier et contrôler leur dossier. Ça, c'est le contrôle a posteriori. Et ensuite, on a le contrôle par échange de fichiers avec nos partenaires, c'est-à-dire avec Pôle emploi, avec la Caisse générale de sécurité sociale, oui. Avec les impôts. On va donc échanger les fichiers des différents organismes pour contrôler particulièrement la situation de ressources, la situation de d'autres prestations perçues, par exemple des indemnités de chômage, par exemple des pensions au niveau de la Caisse générale. On va croiser toutes ces informations avec celles que l'on détient chez nous, dans notre fichier, et on va ensuite régulariser les droits, en plus ou en moins. Voilà donc les formes de contrôle que nous avons au niveau de la Caisse d'allocation familiale. S'il y a fraude, la Caisse d'allocation familiale peut réclamer c'est ça ? Tout à fait. Fraude un ou pas fraude, de toute façon, si des paiements ont été faits de manière indue, la Caisse d'allocation familiale va récupérer ces sommes indues sur les prestations à venir. Et s'il n'y a pas de prestations à venir, parce que plus de droits, oui. Va demander à la personne le remboursement de ses allocations selon un plan échéancé en fonction des possibilités de la personne, bien évidemment. Liliane Posé, Laura Mussard sont à votre écoute sur la première. Thérèse de Petite-Île. Bonjour Thérèse. Bonjour Claude. Bonjour à tous. Voilà, j'ai une question. Je suis très contente de pouvoir la poser aujourd'hui. Mon fils est étudiant en métropole depuis l'année dernière et il est toujours compté comme personne à charge sur ma déclaration de revenus. Il perçoit 100 et quelques euros d'allocation logement avec la CAF dans la région là où il habite. Ouais. Et on est un petit peu embêté parce que qu'est-ce qu'on doit déclarer, nous, comme... qu'est-ce qu'on doit déclarer à la CAF là, parce que en fin de compte, il n'a pas de revenus. Il a des aides sociales, mais est-ce que ce sont des revenus ? Alors, les prestations perçues par la CAF, on ne va pas les déclarer lorsqu'on va faire sa déclaration au niveau... des impôts. Oui, ça j'ai bien compris. Et à la CAF, si votre fils il est bénéficiaire de prestations, on connaît, on le sait, on a un lien avec les CAF de métropole, donc son dossier il est connu chez nous. Oui. Donc vous avez pas à déclarer son montant d'aide au logement, d'accord ? D'accord. Mais parce que vous voulez le déclarer sur non. quoi en tant Non, que ma quoi question c'est de savoir oui. qu'est-ce que nous devons déclarer. À la CAF pour être en règle, si vous voulez, pour ne pas... Voilà. Vous bénéficiez de prestations de la CAF, madame ? Oui, comme je vous ai dit, il perçoit 100 et quelques euros d'allocation logement pour la première fois de notre vie, voilà. Donc, voilà. Alors, donc il a son propre dossier à la CAF de Métropole. Donc c'est à lui de faire ses déclarations, s'il perçoit des revenus, s'il a une activité, pour qu'on révise à chaque fois son droit à location logement. Mais vous, ici, vous, s'il a été, vous avez informé qu'effectivement il est en métropole maintenant et qu'il a son dossier, vous n'avez pas d'autres déclarations à faire. Oui, non, mais madame, ma question n'est pas celle-là. Ma question est, qu'est-ce que mon fils, lui, doit déclarer à la CAF dans la région où il habite pour être en règle? Alors, oui, les étudiants qui perçoivent l'allocation de logement, madame, doivent faire une déclaration de ressources, parce qu'ils n'ont pas de ressources. En général, ils ne sont pas déclarés aux impôts. En fin d'année, au mois de décembre, par exemple, ou au mois de novembre, il peut aller sur son compte, puisqu'il doit avoir, il a un numéro d'allocataire, il a un code, il a un mot de passe, il va sur son compte et il fait sa déclaration de ressources de l'année N-2. Hein, c'est-à-dire que au mois de décembre 2016, il va sur son compte et il fait sa déclaration de ressources de l'année 2014, même s'il n'a pas de revenus. 2014 ? Oui. En décembre 2016, alors non, il faudra qu'il fasse, c'est pour l'année 2017, pardon, donc il faudra qu'il fasse sa déclaration de l'année 2015. Alors, 2017 ? Voilà. Pour 2015. Ce sera pour les droits qui iront du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Donc, au mois de décembre 2016, il va sur son compte et il fait une déclaration de ressources pour l'année 2015. 2015. Voilà. Même s'il n'a pas eu de revenus, il doit faire cette déclaration pour que la caisse d'allocation familiale de la métropole puisse calculer ses droits. Oui, madame. Il n'y aura pas de rupture de droit à ce moment-là. Madame, est-ce que les aides sociales qu'il perçoit sont à déclarer? Qu'est-ce qu'il perçoit comme aide sociale, la madame? La DOM, la région. Non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. C'est bien ça. C'est pas bien. Du tout. Voilà. Pas du tout. Je voulais en être sûre pour ne pas être hors la loi. Oui, non, mais bien sûr, vous faites bien de poser les questions. Vous avez raison, Thérèse. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci et très bonne journée à vous tous. À très bientôt, Thérèse. Au revoir. Yolaine Duguillaume. Bonjour, Yolaine. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Et je voudrais poser une question. Je me suis perdue dans les mois pour la prime d'activité là. À quelle date on doit déclarer pour quel mois là, s'il vous plaît? Alors, vous l'avez été perdue un petit peu dans les... Dans les mois. Oui, je dois recalculer ma prime d'activité. Oui, d'accord. Alors, Laura Mussard. Le trimestre, il est, les trois mois qu'il faut déclarer, il va être différent pour chaque personne. C'est en fonction de là où vous avez fait votre demande, madame, la date de votre demande. Donc, est-ce que vous pouvez consulter sur CAF.fr? Parce qu'il va vous donner par défaut la déclaration qui doit être complétée. D'accord. Ah, d'accord. Donc, allez, si vous avez l'habitude de le faire par Internet, vous allez sur votre compte et la déclaration qui sera disponible, ce sera celle qu'il faudra faire. D'accord. D'accord. Autrement, sinon, vous pouvez aussi également appeler. Et on vous dira quel est le trimestre à déclarer. Et à ce moment-là, il faudra récupérer, bien sûr, le format papier et le faire. D'accord. Mais consultez déjà au niveau de votre compte et vous verrez. D'accord, madame. Au revoir. Merci, Yolaine. Merci, au revoir. Merci à vous. Ma fille était en contrat saisonnier de octobre 2015 à mars 2016. Est-ce qu'elle aurait droit à la prime d'activité, Laura Mussard? Contrat saisonnier de octobre 2015 à mars 2016. Alors, il faut voir en fait si la situation à aujourd'hui, quelle est la situation de la personne, est-ce qu'elle travaille toujours? Donc, parce que la prime d'activité, il faut exercer une activité pour avoir ce différentiel. Donc, il faut vraiment regarder la situation en ce jour. Donc, la personne peut faire une simulation. Ça, c'est possible, alors. Voilà. De partir sur le site sur Internet, et de faire la simulation. Si elle continue de travailler, si elle est toujours en activité, puisque la prime d'activité... Et si elle n'est pas en activité... Si elle n'est pas en activité, elle ne peut pas percevoir de prime d'activité, puisque la prime d'activité a vocation à compléter des revenus d'activité professionnelle. Donc, s'il n'y a pas de revenus d'activité professionnelle, il n'y a pas de prime. On est à la fin de l'émission. Juste un dernier mot sur le contrôle des allocataires, Liliane Posey. Oui, alors, sur le contrôle des allocataires, tout simplement, on va rappeler, même si on a l'impression parfois de redire la même chose, mais on va rappeler aux allocataires, pensez à signaler rapidement les changements de situation, naissance, chômage, mariage, c'est important, qui arrive chez vous, parce que ça influence les droits, à la hausse ou à la baisse. N'oubliez pas que quand vous faites une fausse déclaration, ayez en tête quand même que ça peut faire l'objet de poursuites devant les tribunaux et que les sanctions, les peines peuvent aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement pour les plus grosses fraudes et 750 000 euros d'amende, c'est ce qui est prévu par la loi. Ce n'est quand même pas rien et c'est toujours désagréable. Sachez que si vous avez fait une fausse déclaration ou si vous avez tenté de frauder au niveau de la caisse d'allocation familiale, le remboursement des sommes indues est obligatoire. Voilà. Liliane Pozé, qui est prévu par la loi. Directrice de la communication de la caisse d'allocation familiale, Laura Mussa, responsable de service aux prestations familiales. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Réunion Première ce matin. À très bientôt. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Nous sommes sur le marché forain du Chaudron. Prisca, bonjour. Bonjour Claude et bienvenue ici sur le marché forain du Chaudron. Il y a beaucoup de monde. Un petit farine la pluie là pour ce mercredi. Nous sommes avec Jean. Jean, sa spécialité, c'est la fraise. Et puis juste derrière Jean, on a un petit boug. Il s'appelle Eric et il vend des jujubes. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour. Comment il est? Il est là. Alors, la jujube, il fait concurrence à la fraise là? Ah non. Non, elle n'est pas le même goût. C'est pas le même goût. Hein, où ça, il sort ce bon jujube là? Il y a possession. À la possession. Et là, où vendent ça? À la pinte. À la pinte. Comment on fait pour vendre ça? Monte à nous là. Hein? Comment on fait pour vendre ça? Ben, comme ça là. Oui. On appelle les clients ou quoi? Les clients. Crie un coup banana. Dixième d'euros, 4 euros. Oui. Alors donc, vous avez une pinte à 2 euros, une pinte à 4 euros. Oui. Mais pourquoi la couleur diffère là pour les jujubes? Il y en a ça que les murs, il y en a ça que les verts. Oui, mélangés. Les mélangés. Oui. C'est ça, sur de la possession. Possession. C'est la capitale. Capitale. Les jujubes. Oui. C'est ça? Merci Eric. Donc, le mot de passe pour gagner votre panier garni jusqu'à 10h30, hein, puisqu'on vous attend sur le Chaudron, c'est le songe pâté. Est-ce que vous connaissez Claude, le songe pâté? C'est une variété de songe beaucoup plus fine, hein, surtout à déguster en gratin. Mais bon, rien à voir, hein, le songe pâté avec le goût de la fraise, puisque les fraises ont fait leur apparition sur les marchés de la Réunion. Donc, venez nous rejoindre sur le marché forain du Chaudron avec ce mot de passe qui est songe pâté, vous repartirez avec un beau panier de légumes et de fruits. Alors, un petit mot avec Jean qui cultive la fraise du côté de Sainte-Marie. Bonjour Jean. Comment il est ce matin Jean? Ça va? Ça va. Bon, c'est vrai qu'il est très occupé, hein, il est en train de vendre des fraises. Les barquettes sont à combien Jean? 2,50€. 2,50€ et ce sont des agates. Voilà. Comme variété, c'est très sucré, c'est très doux. On a des gourmandes là, juste en face. Elles essaient de marchander en fait le prix des fraises, mais bon, je crois que Jean n'a pas baissé le prix. Hein. Bonjour les filles, comment ça va? Ça va ce matin? Oui, ça va. Vous avez essayé de marchander un petit peu le prix des fraises? Ça va, oui. Il a baissé le prix ou pas? Non, non. Donc non. Combien vous avez payé la barquette? 2,50€. Bah, bonne dégustation à vous. Allez, en direct du marché forain du Chaudron avec Réunion Première. Donc venez nous rejoindre avec ce mot de passe, songe pâté, et bien un joli cadeau pour vous. À tout de suite. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Lionel Olivier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à toutes et à tous. C'est encore mieux en première. Oui, avec les petites annonces, la rediffusion comme d'habitude à partir de 10h20 de Radio Novella et puis également les places de cinéma. Et on parlera de rock alternatif avec un groupe de San Francisco qui est né en 1994. Il s'agit du groupe Train. Ok, très bien, merci. Voici les pronostics de Pascal Maillot avec le quartet d'aujourd'hui sur l'hippodrome de Reims, avec ce départ qui sera donné à 15h47 avec 16 partants sur 2575 mètres. Le montant de la tirelière, 2 400 000 euros. Les pronos de Pascal Maillot, donc le 4, le 6. Oui, on fait un peu de rime, Lionel, c'est permis quand même. 4, 6, 11. L'As, le 8, le 3, le 7, le 2, en cas de non partant, le 5, je vous les redonne. 4, 6, 11, As, 8, 3, 7, 2. En cas de non partant, le 7 et puis le quintet d'hier, il fallait trouver le 8, le 14, le 7, le 11 et le 12, le numéro plus, le 10, 0, 2, 8, 14, 7, 11, 2 et le numéro plus, le 10, 0, 2. Il est 10h sur la première, voici le journal de France Info. Et bonne journée avec nous sur France Info, merci de nous écouter, il est 8h. Victor Maté pour le journal. Bonjour Victor. Bonjour à tous. Le référendum demain sur le Brexit, quelles conséquences au quotidien si le Royaume-Uni sort de l'Europe? Reportage à suivre dans un hôpital de la banlieue de Londres. En France, toujours pas de décision. 24 heures avant la manifestation contre la loi travail, le gouvernement va-t-il opter pour l'interdiction? L'interdiction, une menace qui plane sur l'application française de covoiturage Hitch. Passage devant la justice aujourd'hui. Et puis l'Euro de football, l'Espagne battue par la Croatie jouera l'Italie en 8e de finale. La Suède, elle, défie ce soir la Belgique. Peut-être le dernier match international de Zlatan Ibrahimovic, l'ancienne star du Paris Saint-Germain. France Info. Tiens, justement, puisqu'on parle du PSG, on parle aussi Qatar ce matin. Investissement dans le football, dans l'hôtellerie de luxe, mais aussi dans la haute couture. Nouvel exemple. Bonjour Sophie Auvigne. Bonjour Victor. Près de 500 millions d'euros d'après les Échos, le Qatar vient de s'offrir l'une de nos plus prestigieuses enseignes, la Maison Balmain. Oui, même un fleuron né à Paris juste après-guerre, mais qui possède aujourd'hui moins de 10 boutiques et encore la dernière à New York a ouvert il y a 2 mois. Alors le Qatar a promis à Balmain le même avenir que celui de la griffe italienne Valentino, rachetée en 2012, 40 boutiques ouvertes en 4 ans, un chiffre d'affaires multiplié par 3. Alors attention, Balmain n'est pas une maison souffreteuse. Elle a failli mettre la clé sous la porte début 2000. Aujourd'hui, elle dégage 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ce retour à la vie, elle le doit en particulier à Olivier Roustin, 25 ans, directeur artistique de la marque depuis 2011. Alors il séduit Rihanna, Beyoncé, Kim Kardashian, et avec une certaine idée de la France. Je pense que la France a été beaucoup plus inspirante à un moment donné. Elle a besoin d'ouvrir les portes et de s'ouvrir au monde. Vous savez, j'aurais envie d'une France plus dans ce qu'a été dans les années 70 ou 80, cette France où il y avait plus de rêves en fait. Et je pense qu'il ne faut pas oublier liberté, égalité, fraternité. C'est pour ça que je pousse vraiment pour une mode plus de diversité, de différence, de couleur, d'ethnie. N'oublions jamais ces 3 mots-là pour la France. Et avec Olivier Roustin, Balmain est entré dans le monde digital, suivi sur les réseaux sociaux par 3,5 millions d'abonnés, 1 million de plus que le célébrissime Karl Lagerfeld. Merci beaucoup Sophie Auvigne. Ce matin encore, l'Europe tout entière a les yeux tournés vers le Royaume-Uni. Le référendum sur le Brexit a lieu demain. Rester ou non dans l'Union européenne, la décision pourrait jouer sur la qualité de vie des Britanniques et de leurs services publics dans le domaine de la santé. Un exemple avec cet hôpital de la banlieue nord de Londres, à la réputation désastreuse, Solène Lehen. Il est à peine 9h du matin et déjà la salle d'attente des urgences est bien remplie. Les patients y attendent parfois 4h. Emma est infirmière. On manque de personnel, tout le temps. Parfois je m'occupe de 8 patients à la fois, c'est beaucoup. Cette situation, vous la retrouvez dans tous les hôpitaux du pays. C'est pour cela que Nat va voter pour la sortie de l'Union européenne. Combien d'argent on donne à l'Europe, on pourrait le dépenser. Ici, regardez, on n'a pas assez de personnel parce qu'il n'y a pas le budget nécessaire. Je ne sais pas combien on donne, mais cet argent, il pourrait servir à embaucher davantage. Il y a des tonnes de choses qu'on pourrait améliorer avec. Au contraire, les services publics seraient handicapés par un Brexit, considère NIA, consultante dans le domaine de la santé. Ça ne fonctionne pas que dans un sens. Nous ne faisons pas que donner de l'argent à l'Europe. Ça va dans les deux sens. Si l'on sort de l'Union européenne, je pense que le Royaume-Uni sera en déficit et que les hôpitaux auront moins d'argent. Donc je ne vois pas comment les choses pourraient s'améliorer. Au contraire, ce sera pire. L'an dernier, le Royaume-Uni a contribué au budget de l'UE à hauteur de 17 milliards d'euros, a bénéficié en retour de 8 milliards de subventions, sans compter les profits tirés du libre-échange. À Londres, Solène Lehen, France Info. Et hier soir, grand dernier débat télévisé, l'occasion pour le nouveau maire de Londres, le travailliste Sadiq Khan, d'accuser son prédécesseur Boris Johnson de porter le projet de la haine sur l'immigration. Interdira, interdira pas, telle est la question à laquelle doit répondre le gouvernement à propos de la manifestation anti-loi travail de demain à Paris. Bonjour Isabelle Chailloux. Bonjour. Alors qui aura le dernier mot, les autorités ou les syndicats ? Pour l'instant, on ne sait toujours pas, car à 24 heures de cette 10e manifestation contre la loi travail, c'est plus que jamais la guerre des nerfs entre les syndicats et le gouvernement. Il y a une discussion en cours, mais on n'autorisera pas des manifestations qui conduisent au débordement que l'on a connu. C'est ce que disait il y a quelques minutes Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement, qui était sur France Info. C'est le préfet qui décidera, ajoutera-t-il, tout en admettant que oui, la décision est aussi politique et qu'on se dirigera vers une interdiction si le minimum de sécurité n'est pas assuré. Ce qui est sûr, c'est que les syndicats, eux, refusent clairement le rassemblement statique demandé pour l'instant par la préfecture de police. L'intersyndicale a fait d'autres propositions de parcours. Ça pourrait être Denfert-Rochereau, place d'Italie, ou Bastille, place d'Italie, des itinéraires plus courts que le Bastille-Nation initialement proposé, avec aussi moins de commerce sur le trajet et donc moins de dégradation possible. Sauf que pour l'instant, toujours pas de réponse de la préfecture de police de Paris. Indécision coupable, estiment les syndicats, qui considèrent que ce délai est trop court pour leur laisser le temps de préparer correctement leur service d'ordre, à moins que, évidemment, la préfecture ne décide finalement d'interdire tout simplement la manifestation. Quoi qu'il en soit, FO et la CGT ont bien l'intention de maintenir leur appel à manifester, à marcher dans Paris. Ce sera de toute façon sans Philippe Martinez, le secrétaire général de la centrale, qui défilera lui à Bordeaux, une décision qui a été prise avant la polémique parisienne, explique la CGT. Merci Isabelle Chailloux. En marche, cela pourrait être le slogan justement des manifestants, mais le nom est déjà pris par le ministre de l'économie Emmanuel Macron. Le premier meeting de son mouvement est prévu le 12 juillet à Paris. Information France Info. Chez les Républicains, le chef du parti Nicolas Sarkozy opte lui pour la marche arrière. Lundi, plusieurs ténors du parti, les Républicains, avaient appelé à interdire la manifestation de demain. Interdire aux syndicats de manifester n'apparaît pas raisonnable, dit l'ancien chef de l'État à Berlin, après une rencontre avec la chancelière allemande Angela Merkel. Et marche arrière aussi pour les pilotes d'Air France. Les syndicats lèvent leur préavis de grève, initialement prévu de vendredi à lundi, après une rencontre avec le nouveau PDG, Jean-Marc Janaillac, qui prendra ses fonctions en juillet, leur a proposé de geler certaines mesures en échange d'une trêve sociale jusqu'au 1er novembre. Hitch, faire du stop, en anglais, l'application française de covoiturage en fin de soirée, espère bien ne pas rester au bord de la route. Son interdiction est en jeu, passage aujourd'hui devant la justice pour organisation illégale d'un système de mise en relation de clients avec des chauffeurs non professionnels. Mais qui utilise Hitch ? Eh bien, Colline, par exemple. Elle a 25 ans, Cécilia Arbona. Pour s'abriter de la pluie, Colline, 25 ans, a témoigné au micro dans la voiture de France Info. Comme d'habitude, la jeune fille s'est assise sur le siège passager. Oui, alors ils nous demandent de monter à l'avant, c'est pour pas se faire repérer, ils préfèrent rester discrets d'après ce que j'ai compris. Donc on monte à l'avant et le dialogue se fait très facilement, et c'est ce que j'apprécie aussi beaucoup dans ce service, c'est qu'on fait des rencontres amusantes, alors certes de courte durée parce que c'est le temps d'un trajet, dans des Clio, dans des Smart, des Kangoo. Comme c'est les voitures des particuliers, c'est vraiment amusant, c'est les voitures de mes amis quoi. Là, je note mon Hitch. Le dernier que vous avez pris, c'était ce monsieur-là. Voilà, j'ai noté un certain Eric, 5 étoiles, puisqu'il a été très sympathique. Mais je ne vous cache pas qu'au début, j'étais curieuse et à la fois, j'avais un peu peur aussi, parce que c'est par des particuliers, on ne sait jamais avec qui on monte, et je n'ai vraiment jamais eu aucun problème. Et c'est dommage de bloquer ce genre d'initiative. On va vers du service de particulier, on loue nos chambres à des inconnus, on fait du covoiturage avec des inconnus, et on voit que les choses se passent très bien, et pour moi, c'est l'avenir, tout ça. Colline, qui a le permis de conduire, n'envisage pas de louer ni d'acheter une voiture tant qu'elle pourra se déplacer grâce à ce qu'elle considère comme un service d'économie collaborative. Cécilia Arbona, l'Euro de football, il y aura un Espagne-Italie dès les huitièmes de finale. Les Espagnols surpris par la Croatie hier soir, 2-1. Autre certitude, l'Allemagne, la Hongrie, la Slovaquie, la Pologne, l'Irlande du Nord sont qualifiés pour ces huitièmes. Les matchs du jour, Islande-Autriche, Hongrie-Portugal à 18h. Et puis à 21h, Italie-Irlande et Suède-Belgique avec Zlatan Ibrahimovic, tout proche de faire ses adieux aux jaunes et bleus. Merci beaucoup Victor Maté pour le journal. L'info revient à 11h. 10h09, la météo, belle journée en perspective, c'est du beau temps qui prédomine sur l'ensemble du département. Cirques, volcans et plaines sont au soleil, seul petit bémol au pied du volcan où quelques nuages côtiers peuvent s'attarder. Au fil des heures, les nuages de pente se développent mais ils restent discrets au-dessus de 1500 mètres en altitude, c'est le soleil. Toute la journée, c'est plutôt une bonne nouvelle. Grâce au bon ensoleillement, justement, la fraîcheur matinale se fait vite oublier, les températures maximales on retrouve en tout cas des valeurs saisonnières. Le vent d'est-sud-est faiblit avec des rafales autour de 40 à 50 km/h sur Saint-Denis et Saint-Pierre, prédominance de brise.